Radio. Tous les soirs. Prenez la parole. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec le doc, Karel et Karima. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h-23h sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Ah, ça fait super plaisir de refaire de la radio, d'être avec vous, d'être sur Fun Radio là. J'espère que vous passez des bonnes vacances. C'est encore les vacances, on reprend tôt là, on reprend tôt pour une toute nouvelle aventure qui débarque là maintenant sur Fun Radio. L'émission s'appelle Love in Fun. Ce sera tous les soirs, du lundi au jeudi, entre 20h et 23h. Qui dit nouvelle émission dit aussi nouvelle équipe. Moi j'ai pas changé, je suis toujours là, c'est Karel. Et avec moi il y a une animatrice qui nous rejoint sur Fun Radio. Je suis très content de l'accueillir. C'est Karima, salut Karima. Salut, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio. Merci beaucoup. T'es venu avec un ours en peluche. C'est mon fils, Ted, que vous allez découvrir sur le Twitter de Love in Fun, le Facebook de Love in Fun. C'est mon fils, est à mes côtés. Je pense qu'on a du père. On a effectivement besoin d'un doc dans cette émission pour des problèmes. Bonjour à toutes. Salut Doc. Ravi de vous retrouver. Et oui, il fallait un doc dans cette émission puisqu'on va parler de tout hein, dans cette émission au 01 42 48 5000. Et c'est vrai que le doc, ça a été toute une histoire. On a fait le plus grand casting des docs de France. Ah hein, oui. Et il a gagné. C'est le seul, c'est l'unique. C'est Christian Spitz, notre doc qui est avec nous ce soir. Ça va, doc? Je vais très bien, je suis ravi d'être avec vous et ravi de répondre aux éditeurs comme j'ai fait déjà. On vous cache rien dans cette émission, le doc est arrivé tout à l'heure. Donc déjà le mec est à la cool hein. 19h30, il est arrivé hein, sans pression. Bon, parce que bon, on va pas vous cacher qu'on a quand même une certaine pression là ce soir. C'est la première. Il est arrivé, il nous a dit j'ai fait un petit cauchemar cette nuit, j'ai rêvé qu'on n'allait pas avoir d'appel. Voilà. C'est juste pour mettre la pression. On était en détente avec ça. Là il y a des appels déjà. Ah ben ça commence déjà à sonner. Alors il y a plein de choses. Ça m'a fait sourire pour mon petit cauchemar. Oui, bah tu m'étonnes. Voilà. Oui. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée. Forcément, on est partout, on est sur le Twitter, le Twitter de Love in Fun avec le hashtag hein, Love in Fun que vous allez pouvoir tweeter pendant toute la soirée. On a les SMS aussi, 64 900, Love in Fun avant le message. Et puis on est aussi bien sûr sur le Facebook, Love in Fun, plein de moyens comme ça pour nous parler. Alors, on est partout. Doc, ils veulent nous parler, on est partout. Doc, t'es pédiatre, hein, c'est ça hein. Ah oui, toujours, oui. Mais bon. C'est quoi pédiatre pour ceux qui le savent pas, Doc? Enfant-adolescent. Enfant-adolescent. D'accord. Voilà. Et des adolescents attardés comme moi aussi, oui, bien sûr, oui, mais ça s'arrête pas. Il y en a qui ont 75 ans qui sont encore des adolescents. On dira qui après. On va parler de quoi dans cette émission? C'est la question que j'ai eue là pendant toutes les vacances. Et moi, ma réponse est la vie. La vie. Et on va parler de tout en fait. Et dans la vie, il y a le sexe aussi et on va en parler. Ah, ben voilà, j'attendais que tu en parles, Doc. Effectivement, nous allons aussi surtout parler pour toi, il y a du travail, mais enfin bon. Ne dévoile pas tout, Doc, pas dès le début de l'émission quand même. En antenne, il a déjà posé plein de questions, je dis pas. Depuis que je suis arrivé, c'est clair. C'est pas possible. C'est pour ça, n'hésitez pas. On a un Doc ici. Consultation gratos hein, tous les soirs au 01 42 48 5000 toute la soirée. Dans un instant, on sera avec Romain. Salut Romain, on va parler de quoi avec toi tout de suite là? Je me suis fait piter par une méduse et j'ai mal. Oui, il faut se faire pisser dessus normalement, je crois. Mais bon, on va en parler dans un instant. C'est exact. On aura Fabien au téléphone. T'es là, Fabien? Ah ben oui, je suis là. Moi, j'ai un petit toc, je marche toujours sur les lignes. Tu marches sur les lignes, c'est ton toc. On en parle dans un instant. Et puis Anna aussi au téléphone qui nous appelle au 01 42 48 5000. Salut Anna. Oui, salut. Donc moi, apparemment, j'ai tenté le camp naturiste et j'ai super mal vécu. Voilà. Elle va être très très bien cette émission. Ouais. J'aime beaucoup. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et commencez déjà à tweeter hashtag LoveInFun hein, pendant toute la soirée. C'est de 20h à 23h tous les soirs l'émission. On va attaquer tout de suite avec, Karima, tu me dis si je le prononce mal. Vas-y. Robin Thicke. Robin Thicke. Robin Thicke. Oui. Voilà, je vais apprendre à parler anglais aussi dans cette émission. Voici Blur Line sur Fun Radio. C'est le tube en ce moment, hein, tout l'été. Robin Thicke sur Fun Radio, Blur Lines. 01 42 48 5000. Love and Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 23h. Sur Fun Radio. Nouvelle émission sur Fun Radio tous les soirs de 20h à 23h. Love in Fun et vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes en train d'écouter la radio. Vous pouvez l'appeler hein, 01 42 48 5000. On parle de tout dans l'émission. Si vous avez des questions, on a des réponses. Généralement, le doc a toujours une petite réponse à tout. Hein. Absolument. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. J'ai pas parlé de Kassim qui a presque pris ma place. Hein. Il est à la Réa là maintenant. Ça y est. Hein. Enfin. Et c'est Lilou et Ludo qui vous attendent là au standard. Hein. 01 45, 42, 48, 5000 toute la soirée. On est avec Romain au téléphone, 21 ans de Nancy. Salut Romain. Salut Karel, salut Karima, salut Doc. Salut Romain. Romain. Salut à toi Romain, 21 ans, région Lorraine, 103.3 pour nous écouter du côté de Nancy. Alors toi Romain, il t'est arrivé une petite galère là pendant les vacances? Une grosse galère, je suis dans le coin. Bah déjà, je suis super content de vous avoir au téléphone, sans déconner. Nous aussi, ça fait plaisir franchement de faire de la radio. C'est le premier, Romain. Ouais. Le premier auditeur de Loving Fun. Je suis trop fier, quoi. T'imagines si l'émission elle marche, tout le monde se souviendra de toi. Ah bah j'espère bien. Ça marche pas, elle court. Par contre, j'ai un gros. Non, mais j'ai un sérieux problème, c'est-à-dire j'ai super mal. Je me suis fait piquer par une méduse. Je suis en vacances à la plage du coin de Cannes, là. Et en fait, tu l'avais pas dit, il y a des méduses de partout. Je me suis fait piquer. Tu t'es fait piquer à quel niveau, Romain? Au niveau du mollet. Bon, ça va. Ça fait mal, une piqûre? Ça fait très mal. Alors, la première chose à faire, c'est déjà laver la plaie et la frotter pour enlever toutes les petites aspérités qui restent. Deuxième chose, ne pas laver à l'eau douce, mais à l'eau de mer, chaude. Alors, effectivement, tout à l'heure, Anne Carrel, qui a toujours de bonnes idées, a dit qu'il fallait pisser dessus. Ça a été des conseils qui ont été donnés, effectivement. Mais bon, il vaut mieux de l'eau de mer. Et puis après, bon, il faut prendre, ça fait mal, mais ça passe. Donc, c'est pas très grave. Il faut prendre du paracétamol ou l'ibuprofène, tout ça, ça se vend sans ordonnance. Donc, je peux donner le conseil sans problème. Ouais. Pour calmer la douleur, comme quand vous avez mal aux dents, par exemple. Et ensuite, si vraiment, c'est très inflammatoire, une pommade à base de cortisone qui peuvent éventuellement, mais avec prescription médicale, bien sûr, appliqué. C'est tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les méduses françaises, méditerranéennes et atlantiques sont très petites. Il y a des régions dans le monde où elles font, je crois, 2, 3, 4 mètres et qui peuvent être effectivement le très toxiques. Le mec est une encyclopédie. mais non, je lis. c'est tout, voilà. Donc vous risquez rien, mais alors, chose importante quand même, ça peut être méchant si c'est au niveau de l'œil. Donc quand on a un enfant petit, vous avez un enfant petit avec lui, il faut éviter le fait, quand il y a des méduses et qu'on les a repéré de pas mettre la tête sous l'eau, parce que piquer au niveau de l'œil, là, en revanche, il faut consulter. D'accord. Il m'est arrivé un truc, Doc, pendant les vacances, je t'en ai pas parlé. Moi, je me suis fait piquer. Non, mais c'est véridique. Piquer par quoi? Par une tique. Ah oui, à quel endroit déjà? C'était au niveau des bourses. Des testicules. Vers le bas. Voilà. C'est ça. Et c'est grave ou pas ça? Oui, ça peut transmettre la maladie. Ah, super. Donc, c'était la première et la dernière émission de Karel. Merci Karima. Mais bon, a priori, non, mais il faut l'enlever surtout. Parce que c'est vrai qu'elle te pompe le sang. Mais que le sang, hein. Faut enlever la tête. Oui, il faut enlever la tête, il faut bien l'enlever. T'es un peu chaud, Doc, pompe. Non, mais je te précise, parce qu'avec toi, je me méfie. Je te précise ce qu'elle pompe. Bon, Romain, j'espère que t'as été bien conseillé par le Doc. Juste un truc, parce que c'est vrai que je flippe un peu, parce que j'étais super bien conseillé, mais j'ai des boutons qui apparaissent, je te jure. Oui, je flippe, tout à fait, c'est urticariant. C'est normal, donc antalgique, et puis à ce moment-là, tu vois un médecin, tu demandes une pommade à la cortisone, et ça calmerait un peu tout ça. Mais Doc, Romain a peur, il faut juste le rassurer, on risque pas grand-chose avec Non, mais je suis très clair. Méduses, dans le bassin méditerranéen, pas de problème, ce sont des petites méduses, sauf si on se fait piquer, ça concerne les enfants, au niveau de l'œil. Eh ben, merci d'avoir appelé, Romain. En tout cas, merci. Là, c'est mollet, donc tout va bien. Que je veux plus l'entendre parce qu'il voulait me pisser dessus, ce con-là. Ça, c'est Karel qui a donné cette idée-là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais venir te pisser dessus, Romain, si tu veux. Mais bon courage à toi. En tout cas, merci d'avoir appelé. Ciao, mec. Loving Fun. 01 42 48 5000. C'est Fabien au téléphone au 01 42 48 5000. Loving Fun, 20h-23h tous les soirs sur Fun Radio. Salut, Fabien. Salut, tout le monde. Salut à toi, Fabien. On va parler toc avec toi. Eh ben oui, j'ai un toc assez étrange. En fait, je marche toujours sur les lignes. Alors, lignes de trottoir, les bordures, je sais pas, moi, même là où il y a le tram qui passe, quand il n'y a pas de tram, je peux pas empêcher de marcher sur les rails. Très bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 7-8 mois. 7-8 mois, d'accord. Et si on donne, par exemple, 100%, c'est 24 heures, 12 heures pour lesquelles tu ne dors pas, sur les 12 heures, ça occupe combien de temps? Je sais pas. Parce que c'est ça qui est important. C'est vrai que tu as raison de souligner, ça fait sourire, parce qu'en fait, je dis ça pour moi, bien évidemment, on a le sentiment que c'est irrationnel et qu'on comprend pas pourquoi, mais on le fait. Et je crois qu'il faut pas prendre ça à la légère. Si tu as vraiment ce toc et tu souris, mais je comprends bien que tu souris parce que toi-même, au fond de toi-même, tu sens ça ridicule. Mais ce n'est pas ridicule. Et je crois qu'il faut, bien sûr, s'en soucier, car les tocs peuvent évoluer vraiment mal. Ça peut devenir une maladie, en fait, le truc. Ça peut devenir, c'est une maladie, d'abord. Trouble obsessionnel et compulsif, c'est-à-dire des actions répétitives, dans la journée, toujours les mêmes. C'est pas compter, laver, vérifier. Voilà. C'est à peu près ça. On disait ça. Compter, laver, vérifier. C'est des gens qui se lavent 50 fois les mains, qui vérifient 50 fois que la porte est bien fermée. Justement, j'avais vu un reportage, genre, tu sais, c'est l'émission Confession intime, où la nana, en fait, elle s'enlevait les cheveux, en fait, elle bouffait le bulbe du... Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est toujours la même chose, c'est à peu près pareil, oui. En tout cas, c'est important parce que ça se soigne. Et notamment, il faut consulter un psychiatre, et après, tu vois, un psychologue éventuellement, après avoir vu le psychiatre, mais ça se traite, par notamment, les thérapies comportementales et cognitives, qui sont une technique de thérapeute, qui permettent effectivement de dépasser ce stade et ne plus être là. Et puis, éventuellement, des médicaments, notamment, peut-être, dans certains cas, antidépresseurs. Donc, c'est très important. Alors, ça va faire sourire tout le monde parce qu'il a l'impression de sourire, mais moi, je prends pas ça à la légère parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui peut évoluer mal. C'est quelque chose qui t'embête au quotidien, en fait. Moi, personnellement, ça m'embête pas, mais c'est juste... Pour l'instant. Les gens, quand ils me regardent, ils me prennent pour un débile, quoi. Tout à fait, mais pour l'instant, c'est normal parce que toi-même, tu te dis, bon, c'est pas grave, mais ça évolue. Je crois qu'il faut oser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Ok, en quoi? Là, je suis en terminale STMG. Bon, très bien. Tu es content? Oui, ça se passe bien. Donc, c'est STMG, c'est pour faire quel métier? C'est sciences et techniques de management et de gestion, donc c'est assez varié. Tu dragues la doc Non, du tout, mais c'est pour le féliciter de s'engager comme ça, parce qu'il y a des choses très positives. Il ne faut pas voir que l'aspect, bon, il y a quelque chose qui lui embête dans la vie, qui pourrait devenir, alors après c'est le psychiatre qui va donner son avis, bien évidemment, après l'avoir vu, après lui avoir parlé. Mais bon, par ailleurs, ça n'exclut pas le fait que tu réussisses bien et que tout aille bien dans ta vie par ailleurs. On va continuer d'en parler avec toutes vos réactions au standard 01 42 48 5000. Si vous avez des tocs, dites-nous tout. Et puis réagissez aussi par SMS 64 900. Love in fun avant le message et hashtag love in fun toute la soirée. Allez-y, lâchez-vous. Dans un instant, le son. J'adore. C'est Lady Gaga qu'on va s'écouter avec applause sur Fun Radio. C'est le nouveau que vous découvrez là en ce moment sur Fun Radio jusqu'à 23h tous les soirs. Love in fun sur Fun Radio. Jusqu'à 23h, Love in fun. Prenez la parole sur Fun Radio. 01 42 48 5000 Love in fun sur Fun Radio avec dans un instant Anna, 20 ans de Grenoble au téléphone. T'es là, Anna? Oui. On va parler de quoi avec toi dans un instant? Mais apparemment, j'ai testé le camp naturiste et je l'ai super mal vécu. Bon, tu vas nous raconter tout ça juste après David Guetta et Playhard sur Fun. Le DJ superstar David Guetta sur Fun Radio. 20h, 23h. Posez toutes vos questions. Love in Fun sur Fun Radio. Du lundi au jeudi, Love in Fun sur Fun Radio, 20h, 23h. Avec le doc qui est là avec nous, avec Karima. On parlait des tocs tout à l'heure, il y a plein de réactions par SMS, 64-900, Love in Fun avant le message, sur le Twitter aussi, hashtag Love in Fun, Karima. Oui, il y a Keito qui nous dit mon toc à moi, c'est quand je parle à quelqu'un, je peux pas m'empêcher de jouer avec sa fermeture éclair. Non, ça c'est simplement qu'il passe un peu plus loin, ça dépend s'il l'ouvre ou s'il la ferme, ça fait que la fermer, l'ouvrir. Sinon, j'ai une question de Cléo du 07 sur Twitter. Elle me dit, j'ai des habitudes, à quel moment je me rends compte que j'ai des tocs? Mais à partir du moment où on peut vérifier deux fois, mais si on vérifie 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois de suite, voilà. Si on se lave les mains 20 fois, oui, ça devient un toc. Et on ne peut pas s'en empêcher, oui. Est-ce que j'ai un toc? Parce que moi, quand je mate un match de foot, j'arrête pas de me gratter les... Non, ça c'est tous les hommes. Ouais. Donc tous les hommes. Non, pas moi. Moi, je me les gratte pas. Ah, d'accord, ok. Je suis désolé, Karel, mais bon. Bon, d'accord. Mais on a remarqué d'ailleurs que. Mais en ce moment, d'ailleurs, je touche le paquet pour savoir s'il est toujours là. Hein. Voilà. 01 42 48 5000 pour réagir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le doc est là, Karima. Et c'est Lilou et Ludo qui décrochent au standard. Hein. 01 42 48 5000. On est avec Anna au téléphone. 20 ans de Grenoble. Toujours là, Anna? Ouais, salut Karen, salut Karima et le doc. Salut Anna. Tu profites bien de tes vacances, Anna? Oui, ça va, ils sont moyennement bien passés du coup, mais ça va. Allez, raconte-nous tout. T'es allée dans un camp de naturistes. Et en fait, j'étais un peu mitigée au début, ça fait 6 mois que je suis avec mon copain. Ouais. a 22 ans et lui, bah, au début de notre relation, il m'en a vite parlé, qu'il était motivé, qu'il y allait quasi tous les étés. Et du coup, bon, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être pas mal. C'est pas le Cap d'Agde, non? Ouais, parce que ouais. Le Cap d'Agde, c'est autre chose. Hein. C'est là-bas que tu passes tes vacances. Non, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps. Ah, oui, c'est un peu chaud quand même. Hein. Le coup du reportage, tout le monde connaît, hein, bien sûr. Oui, c'est mon meilleur ami, hein, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, Doc. Donc, c'était au Cap d'Agde. Donc, c'est ça. Et ah oui, c'est pas un code naturiste, c'est autre chose. C'est pas très libertin. C'est libertinage, voilà. Ah oui, plus que ça. C'est même, excusez-moi le terme, mais c'est parti à plusieurs. On appelle ça comment? C'est des partouzes? Oui, c'est ça, voilà. Ah, tu voulais pas dire le mot, Doc? Non, mais tu vas le dire à ma place. Bon, alors, Anna, raconte-nous. Alors, donc, ton mec t'emmène dans un camp de naturistes et toi, donc, tu te fous à poil devant tout le monde. Ça t'a gêné, en fait? J'ai tenté, quoi. Je l'ai fait une fois, en fait, mais c'est vrai que non, j'arrivais pas du tout à être à l'aise. Je comprends pas du tout ce fonctionnement, ce mode de vie. Non, j'arrive pas. Tu vois, aller faire les courses, ils sont tous nus. Non. Ça te gêne d'être toi nu ou de voir les autres nus? Alors, eh ben les deux. Moi, j'aurais peur. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, alors que. Mais raconte-nous ce qui s'est passé, parce que est-ce qu'il y a eu seulement cet aspect-là ou est-ce qu'il y a eu comme une connotation sexuelle rapide? Non, c'est pas la même chose. On est motivé, on va dire là-dessus, donc ça se passe super bien et super souvent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça m'a complètement dégoûté. J'étais trop mal à l'aise. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et puis non, je comprends pas du tout. D'accord. Tu as resté combien de temps? Eh ben, une semaine, mais ça a été très long. Oui, j'imagine. Mais écoute, c'est important ce que tu dis là. Je crois que dans un couple, il faut être d'accord. Il faut pas accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter. C'est ça l'équilibre dans un couple. Ça me paraît même essentiel. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu sais maintenant qu'il faut savoir dire non. Et voilà. Et alors, s'il veut y aller seul, il y va seul. J'étais mitigée dans le sens où je connaissais pas. Donc voilà. Oui, bien sûr. Maintenant, t'as découvert. Pour le coup, maintenant, je connais. Non. Alors, comment il réagit maintenant, ton ami, maintenant? Et enfin, ben ton lui, copain. Super mal, parce que il n'a pas compris de pourquoi j'arrivais pas à être à l'aise. Bah, t'es pas obligé d'y aller, franchement. Si t'as pas envie de te mettre à poil, tu te mets pas à poil. Hein. Ça veut dire qu'il est fâché avec toi ou il est pas content quand ça se passe? Ouais, il a mal pris. En fait, il est braqué là-dessus et c'est vrai que ça a cassé un peu un truc entre nous, quoi. Très bien. Mais écoute, là, il faut rester sur ta position. Oui. Il y a deux solutions. Ou il t'aime ou il ne t'aime pas. Et s'il a des sentiments pour toi, ben, il acceptera ta différence. Il acceptera ce que tu demandes, ce que tu as envie de vivre. Et c'est pas parce que dans un couple, on n'a pas la même façon de voir. Il y a des choses que l'on peut faire, qu'on a envie de faire. Ça touche à l'intimité, ça touche à l'intime, ça touche aussi quand même, quoi qu'on dise, un peu au sexuel. Et que chacun vit ça comme il a envie de le vivre. Et je crois qu'il ne faut pas obligatoirement suivre l'autre. Je sais pas, donner un autre exemple. Si, il a envie de faire de la bicyclette et que t'as pas envie, bah t'y vas pas, il va faire de la bicyclette tout seul. Donc si vous allez se montrer. Tu fais de la bicyclette? Oui, aussi, oui. Oui. J'avais l'impression. Doc, il dit de la bicyclette, je pensais qu'on disait du vélo. Hein. C'est comme ça qu'on disait bien sûr. Au siècle dernier. Au siècle d'avant même. Le Doc a raison, elle doit pas se forcer à faire quelque chose qu'elle. Tu dois pas c'est te forcer. C'est important. Et il faut savoir une chose, ça me paraît aussi important, dernière chose, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas le. Il faut pas accepter par peur de le perdre. Voilà. Ben après, ce qui me bloque un peu et ce qui me gêne un peu, c'est que lui, il y va depuis, pas tout le temps, mais presque. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive pas à rentrer dans le moule, entre guillemets. Enfin, il peut pas passer toute sa vie tout nu. La plupart du temps, il est habillé. C'est comme ça en France, je crois. Oui, donc, voilà, ça veut dire. Je sais que, voilà. Il ira dans ses camps naturistes et puis voilà, tu iras ailleurs. C'est pas grave. N'est-ce pas? Ouais, je conçois pas après le fait de partir chacun de son côté non plus, voilà. Oui, mais ça, je pense qu'il faut arriver à un consensus de part et d'autre, et quand naturiste plus ou moins light, je précise quand même que celui du Cap d'Agde un petit peu plus osé que les autres, tout de même. Karima, ton mec, il te force à aller dans un camp naturiste? Il n'existe pas, ouais. C'est le néant. Mais non, je ne supporterai pas qu'on me force à faire quoi que ce soit. Surtout pour se retrouver à poil, quoi, c'est quand même... En plus de ça, surtout. C'est chaud, quoi. Oui, après, certaines personnes aiment ça, s'épanouissent là-dedans, etc. Donc, appelez-nous, on respecte. Les filles, hein. Oui, mais il faut respecter aussi. Il y a des gens qui aiment ça. Mais toi, Anna, et toutes les filles qui nous écoutent, si vous n'avez pas envie de le faire, eh ben, même pour faire plaisir à votre compagnon ou à toute autre personne, ne vous forcez pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, écoute, tiens-nous au courant, Anna. En tout cas, dis-nous si ça s'arrange ou pas. Il faut que j'arrive à lui dire non. Bah, il n'a pas à t'obliger, en tout cas. Aimer l'autre, c'est respecter. Et respecter, c'est respecter ses choix. Voilà. Oui. Gros bisous à toi, Anna. Gros Merci beaucoup. Bisous, Anna. Salut Anna, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. 01 42 48 5000, le Twitter, hashtag Love in Fun pendant toute la soirée. C'est de 20h à 23h la nouvelle émission, la Love in Fun avec Karima, avec le Doc, avec YouTube, c'est le nouveau Lady Gaga. Applause. Le clip de Lady Gaga est sorti aujourd'hui, on vous le met sur la page Facebook de Love in Fun. C'était le nouveau Lady Gaga. Applause sur Fun Radio. Tous les soirs, 20h, 23h. Love in Fun sur Fun Radio. Un seul numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée sur Fun Radio, c'est le 01 42 48 5000. Merci pour tous vos messages, notamment sur le Twitter. On est en TT là. TT, c'est quoi? C'est les top tweets, c'est ça? C'est les top tweets, voilà. C'est les sujets dont les personnes parlent le plus en ce moment. On est partout. Et là, je bégaye un petit peu parce que les messages sont vraiment adorables sur le Twitter. Alors sachez que nous, en tout cas, on est ravis aussi de vous rejoindre parce que c'est que positif. Ça. Bah merci à vous tous et à vous toutes d'être là sur Fun Radio. Peut-être il y en a qui étaient là avant et qui sont encore là. Bah merci d'être là en tout cas sur Fun Radio. Et puis on salue bien sûr tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois là ce soir, qui découvrent l'émission. Vous êtes en vacances, profitez bien. Nous on est là tous les soirs sur Fun Radio. Le Doc est là, oui. Karima est là, Lilou et Ludo qui décrochent au standard. 01 42 48 5000. On va parler un petit peu de drague. C'est vrai que pendant l'été on chope quand même pas mal. Hein. T'as chopé toi Doc pendant les vacances ou pas? Ce n'est pas mon problème principal. Ah, j'aime comme il croit son sérieux à ce moment-là. Il sent que tu vas l'attaquer. Tu dragues un peu ou pas? Moi, non. Bon, on va parler de drague avec Georges. Georges, il a 17 ans. Il vient de nous appeler au 01 42 48 5000. Salut, Georges. Salut. Ça va, Georges? Oui, en fait, je voudrais avoir des conseils de drague avec Karima et le Dog et Karim. Ah, c'est pas le Dog, c'est le Doc. Georges, si tu commences comme ça. Okay. Ouais, ça va, Georges? Oui. T'es en forme? Oui, je suis très en forme. Et tu veux des conseils pour choper en fait? T'es célibataire? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te bloque en fait, Georges? En fait, je suis timide pour aller voir les filles et puis voilà, j'aimerais savoir si vous avez des conseils. On a des conseils sur tout. En tout cas, on peut parler de tout. Et n'hésitez pas à nous appeler. Si vous voulez réagir, 01 42 48 5000. Tu te sens comment? Plutôt à l'aise avec les filles, non? T'es plutôt timide, en fait, c'est ça? Oui, je suis timide, en fait. Est-ce que tu vas les voir déjà pour commencer? Non. Faut une phrase d'accroche. Hein. Non, en fait, je vais les voir. Bonjour, oui. Bonjour, déjà, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, je leur dis bonjour, mais après, elles veulent pas me voir. Georges, t'as des copines filles? Juste des copines, pas des petites amies. Des copines? Oui, des petites copines, ouais. Et du coup, comment t'as rencontré tes copines? Tu leur as parlé une première fois? Oui, je leur ai parlé, mais après, j'ai été trop timide. Et après, en fait, c'était une fille qui était avec des bandes, en fait. Mm-hmm. Et du coup, après, elle m'a dit « casse-toi, petit con » et tout ça. Georges, est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une fille? Non. J'aimerais bien que vous me déjà, donniez... Déjà, oui, mais il faut les rencontrer. Tu sais, ça vient comme ça. Dans ton lycée, ailleurs. Est-ce que tu as des copains? Oui. Tu sors avec tes copains? Oui. Alors souvent les copains se retrouvent ensemble, surtout à 17 ans, mais est-ce que parfois vous rencontrez des filles? Ouais. Oui. Oui. Ouais, en fait, mes copains, en fait, ils se moquent de moi, donc voilà, j'en ai pas beaucoup. Pourquoi ils se moquent de toi, Georges? Parce que j'ai une voix, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis l'autre fois. Non, pas plus que ça, Georges, après... J'ai une voix bizarre, en fait. J'ai pas une voix de jeune garçon, donc voilà pourquoi. Mais t'as voix, c'est ta voix. Personne n'a à se moquer de toi pour quoi que ce soit. Non. Ouais. Et j'aimerais bien avoir une copine. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais à part sortir avec tes copains, aller au lycée? Est-ce que tu as des distractions? Tu fais du sport, des choses comme ça? Je fais de la danse. La danse, très bien. Quoi comme danse? Quel style, oui. La salsa et la bachata. Mais déjà pour rencontrer des filles, la salsa, c'est pas mal. Pendant les cours, tu dois bien te rapprocher d'une ou deux, une ou deux filles, non? Puis les mecs qui dansent bien font bien l'amour, généralement. Les mecs qui dansent bien déjà donnent envie de regarder. Ouais. Oui, merci Karima. Mais elles sont déjà en couple, hein, ceux-là qui dansent avec moi. Oui, écoute Georges, je comprends très bien, mais quelquefois, il faut se faire violence. C'est ce qu'a dit Karel tout à l'heure, je suis assez d'accord. Il faut plonger, c'est comme pour apprendre à nager, il faut sauter dans l'eau quand même, à un moment donné, parce que sinon tu peux nager théoriquement, faire la brasse comme ça dans l'air, mais tant que t'es pas dans l'eau. Donc tu ne prends aucun risque. Quel risque tu prends? Qu'elle te dise, va là, pars, j'ai pas envie de te voir, ou... C'est le râteau quoi. Mais ah oui, c'est ça. Mais oui, faut oui. pas avoir peur du râteau, on s'en est tous pris dans notre vie, c'est rien. Voilà, donc c'est nécessaire, même à mon avis, t'en faut quelques-uns. Tu ne prends aucun risque. Et puis surtout, N'imagine pas que tu vas devenir tomber amoureuse ou amoureux d'elle ou simplement sortir avec elle. Essaye déjà de lui parler tout à fait naturellement, demander ce qu'elle fait. Voilà, parle tout à fait comme si c'était un copain. Voilà. Oui. Hein? Okay. Parce qu'un copain, tu penses pas a priori sortir avec lui, être amoureux de lui en tout cas. Vous pouvez hein? m'aider à en trouver une. En non, non, non, tu vas te débrouiller tout seul. Non, bah attends, je suis désolé. Tu vas te débrouiller tout seul, mon ami. Et attends, Doc, s'il y a quelqu'un qui appelle pour Georges, ah, oui, au téléphone, il y a une fille là qui appelle. C'est Cécile, ah 20 bon, ans de Dijon. Si on peut lui permettre de faire sa première fois grâce à Love in Fun, moi je suis pas contre. On sait jamais, c'est peut-être bah une oui. histoire d'amour qui commence. Salut Cécile. Salut Carré, salut Karima, salut Doc. Salut Cécile. T'as quel âge, Cécile? J'ai 20 ans. Ah, t'es une femme d'expérience en plus. Non, Cécile, elle appelle pour lui. Oui, pas oui, pour, oui, elle oui pas ok. Pour toi, on te laisse avec Georges alors. Bon, Cécile, Georges, brisez la glace, faites connaissance. J'ai pas entendu là ce que tu as, Georges. En fait, j'aimerais bien faire connaissance avec toi. Ouais. Moi, j'ai 18 ans. Ouais. Et puis, j'aimerais bien te rencontrer. Alors, déjà, tu habites où, toi? Dans le 9-3. Hein? Ouais, donc, ouais, ça peut faire une petite sortie. Mais qu'est-ce que tu cherches pour avec une fille, toi, déjà? Une relation amoureuse. Ouais, mais... On se connaît pas. Déjà, il faut pas, se rencontrer. Voilà, on ne va pas se tomber. Tu commences par la fin, genre. Ouais. Déjà, faut me dire ce que tu aimes faire quand tu vois une fille. Quand tu veux inviter une fille, tu veux faire quoi avec elle? Bon, déjà, on peut aller boire un verre, ça, c'est pas un souci. Oui. C'est un bon début, ça, Georges. Je lui ferai une surprise, des bijoux. Non mais pas tout de suite Georges, excuse-moi. J'interromps la conversation, le rendez-vous, okay. Cécile, Georges, tu peux pas offrir des bijoux à une fille au premier rendez-vous. Ah oui, tu attends, es fichu, Georges, si tu fais ça. Ok. Non parce que là sinon tu achètes la nana, tu vois ce que je veux dire. Non, est-ce que vous pouvez lui donner mon numéro? Oui Georges, d'accord, bon j'ai compris, en fait Georges c'est un gros show, attention. Voilà. À la limite, tu vois, à notre première rencontre, quand on va boire un verre, tu peux me ramener une petite fleur. Ok, bonne idée, tiens. Sans pour autant me ramener une rose, hein, parce que c'est très explicite, mais une petite, je sais pas, une petite tulipe, ou je sais pas, une petite fleur sympa, mais voilà, pour briser la glace, déjà pour se reconnaître, parce qu'on ne s'est jamais vu. Bon, ils sont en train d'organiser un rendez-vous. Attends, bouge pas, Cécile, il y a Valentin qui nous appelle. N'hésitez pas, vous réagissez, 01 42 48 5000. Salut Valentin. Bonjour Ricky. Salut Valentin. Salut Valentin. 22 ans à Châteauroux, tu voulais réagir par rapport à Georges, là, des petits conseils pour draguer ou pas? Ouais, Georges, j'ai entendu ton histoire. J'étais un peu comme toi avant, j'étais un peu timide, parce que je suis petit, enfin je fais 1m70, donc j'étais assez timide pour aller vers les filles. Et ensuite, en fait, je suis devenu maître nageur sauveteur en mer. Donc déjà, ça m'a aidé parce que les filles venaient vers moi au travail. Tu m'étonnes. Ouais. Et donc ça m'a permis de me libérer. Et ensuite, je suis sorti avec mes amis en boîte. Et en fait, clairement, faut pas avoir peur d'aller vers les filles, tu y vas. Ok. Tu en dragues 10 dans la soirée. Voilà, il y en a bien une qui dira oui, hein. Tu leur demandes aux 10 si elles veulent finir la soirée avec toi, il y en a au moins une qui va répondre oui. T'as gagné ta soirée, garçon. Je connais cette technique. Bravo, Valentin. C'est la technique de Carrel également. Oui, voilà. Sur 8-7-1 en général, il y a un peu plus. Écoute, c'est pas grave, tant qu'il y en a une qui dit oui au final. Merci, Valentin, de ton conseil. Valentin, bravo, parce que tu as tout à fait raison. Il faut se construire soi-même avant. Et Georges, c'est important. Tu es danseur, danse bien, continue à danser. Et te construire toi-même, ça reste absolument essentiel. Ce sera beaucoup plus facile. Et puis, le côté fantasmé de la relation avant qu'elle se passe, c'est pas mal non plus. Bah, il faut que tu prennes confiance en toi surtout, Georges. Hein. Tu sais, on croit tous qu'on a des défauts. Des fois, on n'a pas confiance en nous. Et puis, finalement, on focalise plus qu'autre chose sur le truc. C'est ça. Hein. Et la fille de 20 ans. Oui, t'inquiète pas. On va te donner le numéro de Cécile. On a compris. Georges, c'est peut-être. Oui, bon. Si Cécile est d'accord, tu ne raccroches pas. On va te filer son numéro en antenne, d'accord? Ok. Il n'y a pas de problème. Salut, Georges. T'es d'accord, Cécile? Bon, on va voir ça en rentaine, oui. Oui, d'accord. Okay. Bon, ça sent déjà le premier râteau, je pense. Merci Valentin pour les conseils. Au revoir. Bon, partez tous avec des packs Love in Fun. Il y aura Coralie avec nous dans un instant. Love in Fun. Salut Coralie. Bonsoir. Salut Coralie. On fait l'émission en direct. Hein. 01 42 48 5000. On parlera de quoi avec toi, Coralie, dans un instant? Bah, je suis grosse et je suis complexée, en fait. D'accord, bah bouge pas. Il y a aussi Manon qui sera avec nous dans un instant dans Love in Fun. Allô Manon? Allô, oui, je voudrais, en fait, pour la première fois, faire l'amour avec une fille. Et c'est T'as un programme intéressant. Je trouve, écoute, bouge pas aussi, Manon. Et Mickaël, t'es là? Ouais, je suis là. Bienvenue, Mickaël, sur Fun Radio avec toi. On va parler de quoi dans un instant? D'arrêter de fumer. D'arrêter de fumer, oui, on aimerait tous ici, je crois. Et bah bougez pas, on en parle tout un programme dans un instant sur Fun Radio. 01 42 48 5000 si vous voulez réagir, le son tout de suite. J'adore ça, il est juste énorme. On va s'écouter Stromae avec Papa Outei. Et l'album est sorti aujourd'hui. Hein. Il s'appelle Racine Carrée. Ça tourne en boucle dans la voiture en ce moment. Stromae, Papa Outei sur Fun Radio. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Bon, bah, bougez pas, c'est la pause là. On revient dans 3 minutes à peine sur Fun Radio. Love and Fun. On met les c'est orties. Parti. Allez, c'est parti. On lance le chrono. Ah, Bruno, ça brûle de ouf. Arrête, t'es tous plus. Bruno dans la radio revient lundi 26 août. Le son Dance Floor. Prenez la parole. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. On vous donne la parole tous les soirs sur Fun Radio. C'est une nouvelle émission qui débarque. C'est Love in Fun tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h, 23h. Vous pouvez tout dire sur Fun Radio. On a un vrai médecin avec nous. Si vous avez des questions, tu m'as pas montré ton diplôme, donc en fait, je sais même pas si t'es vraiment médecin. Mais non, je plaisante pas. Je trouve que t'es une grosse arnaque, le mec. Il est venu s'installer et tout. Non. T'es pédiatre. J'ai des preuves, oui, entre autres. Oui. D'accord. Ah, tu as plusieurs j'ai cordes à ton arc. Oui, bien sûr. T'as fait quoi ce week-end, Doc? Une analyse. J'ai fait quoi? J'ai bossé. T'as bossé, d'accord. T'es pâte à chaque fois. Tu veux pas te dévoiler ce soir? Oui. Tu veux pas tout nous dire dès le premier soir? Si, non, mais j'ai travaillé. On est quel jour? Lundi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Ok, le mec a pas envie de nous raconter. Hein. Ça viendra avec le temps. Si vous voulez voir le doc, hein, on est sur Facebook aussi avec la page Love in Fun. N'hésitez pas, il y a en photo Karima, il y a le doc aussi qui se trouvait pas mal d'ailleurs. Hein. Il disait, je suis beau gosse aujourd'hui. J'ai pas pris une ride. T'as toujours des cheveux blancs, quoi. Mais j'assume. Ça n'a pas changé. Hein. On fait partie de ceux qui teigner les cheveux, tu sais, ça existe. Oui, on en parlera. Dites-nous si vous avez un problème de teinture. 01 42 48 5000. Et puis, merci pour tous vos messages sur Twitter. Il y en a plein. Tu veux en lire quelques-uns, Karima? Oui, on va dire merci à Memphis. Vous êtes géniaux. Il y a Virginie Bay qui dit Love in Fun, c'est juste un kiff. Bon début à vous, les gars. Donc, ça, c'est Antoine Beau. J'ai un gros toc. J'écoute tous les soirs Fun Radio. Voilà, merci à tous, en tout cas. Merci à tous pour le soutien. L'idée de cette émission, c'est de vous aider, hein, tout simplement. Si vous avez des petites questions, on en parle tous ensemble sur Fun Radio, 01 42 48 5000. On est avec Coralie au téléphone, 23 ans, d'Argelès-sur-Mer. Salut Coralie. Bonsoir toute l'équipe. Salut Coralie. Salut Coralie. Bienvenue sur Fun Radio, Coralie. Merci. Ravi de faire la première avec vous. Eh ben, ravi de t'accueillir aussi. Coralie, tu veux parler de quoi, toi? Alors moi, mon problème, c'est que j'ai du poids et je suis complexée, j'ose pas aller à la plage. Et ça me pourrit la vie, en gros. Ça te gâche un peu tes vacances. Exactement. Tu peux nous donner ton poids et ta taille? Alors, en fait, je fais 1m62 et je fais presque 100 kilos. Presque. Oui, d'accord. Il y a un excès. Qu'est-ce que tu fais, les docs? Tu notes Oui, calculer l'indice de masse corporelle, mais c'est même pas la peine. D'accord. Non, c'est pas la peine, voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pas... Dans ta famille, on est comme ça? Non, je suis la seule à être comme ça. Donc là-dessus, j'ai pas de point de repère, quoi. Et c'est comme ça depuis ton enfance, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est un véritable cauchemar. Quand je vais à la plage, j'ai toujours peur qu'on se moque de moi. J'y vais jamais. Enfin, j'y vais rarement. Ou quand j'y vais, je suis toujours couverte. Je mets des shorts longs. Enfin, faut rien que dépasse, quoi. Oui. Coralie, il y a une solution. Bien sûr qu'il y a une solution. D'abord, pour tous ceux qui sont concernés par cela, sachez que ce n'est pas, il faut pas voir ça de manière, on mange trop, donc on est gros. C'est génétique. Il y a une grosse part génétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obèse. Quiconque n'est pas obèse. C'est pas aussi simple que cela. Regardez, Karel qui dévore 10 fois plus que toi, il est mince, comme un coucou. Comme un coucou. Oui. Comme un coucou. Tu as des expressions très intéressantes. Oui, c'était juste pour rire. Bon. En plus, c'est vrai que je mange pas énormément. Enfin, je fais pas de folie, parce que j'essaie déjà d'excès, donc alors, j'essaie de pas faire de folie, donc en plus ça marche pas, quoi. Coralie, il faut que tu vois un médecin nutritionniste et une diététicienne pour trouver la solution, parce que je veux mettre en garde toutes celles et tous ceux qui sont concernés par cela, qui vont utiliser ces fameux régimes miracles qui vous feront perdre je ne sais combien de kilos, ou même aux États-Unis, on les met dans des centres et on leur fait perdre je ne sais combien de kilos. Je crois qu'il faut admettre que ton organisme stocke trop de graisse et que donc il faut adapter ce régime, tes besoins en fonction de ce que tu produis. Et pour cela, il faut faire un bilan diététique précis et ensuite trouver la solution. Bon, deuxième versant, il y a l'exercice. Est-ce que tu fais des exercices? J'en fais beaucoup de marche. C'est bien ça. Bravo, oui, c'est un bon début et c'était nécessaire. Et je fais un peu de vélo, mais un peu moins régulièrement quand même, j'avoue. Donc c'est important que tu gardes ce rythme parce que l'exercice t'aidera à fortifier tes muscles et à perdre cette graisse. Mais bilan, déjà, première chose, bilan, tu vas voir le médecin et tu lui en parles et... Pas de solution miracle avec les régimes. Genre, tous les régimes. Il ne faut pas aller sur Internet. J'avais essayé déjà un régime. Mais oui. J'avoue que. C'est yo-yo. C'est le yo-yo. Et voilà. Et j'ai repris ça, encore un peu. Ouais, voilà. C'est quoi le yo-yo de. Le yo-yo, tu perds 20 kilos, t'en reprends 20. Exactement. Et c'est, tout le monde dira ça. Donc, c'est très important. On évite aussi les régimes qu'on trouve sur Internet. C'est exactement ça, Karine. Tout à fait. Et les régimes. Parce que nous, on est des filles. On achète les magazines féminins. Chaque été, on nous dit qu'il faut être de plus en plus mince, de plus en plus maigre. Est-ce qu'on peut suivre les régimes qu'il y a dans ces magazines? Alors, bon, dans certains cas, ils sont équilibrés. Il faut surtout veiller à ne pas avoir de déséquilibre diététique. L'alimentation, c'est une chose de complète. Donc, c'est pour ça que les diététiciennes sont très importantes. Parce qu'elles vont te dire ce que tu peux prendre, ce que tu peux manger, surtout ce que tu ne dois pas carencer. Les régimes hyperprotéiques, c'est bien beau, c'est gentil, mais bon, en même temps, on va se carencer derrière. Donc, c'est pas génial. Non, non, tu vas voir, tu vas consulter ces gens. Je suis persuadé que tu vas réussir à trouver une solution, mais il faut un peu de temps. Ce qui compte, c'est déjà commencer à perdre quelques kilos, ce qui va t'aider à te redonner le moral et après te déterminer. D'accord. Voilà, déjà, c'est vrai que si je perds un peu, parce que là, en fait, j'avais perdu avec un régime, comme je vous dis, et puis en fait, j'ai repris plus, donc ça m'a encore plus démoralisé. C'est le yo-yo, hein, comme disait d'autres. Mais le truc, Coralie, c'est qu'il y a aussi plein de mecs, hein, qui aiment les filles un peu rondes et tout. Bah oui, mais bon, comme je suis complexée, en fait, je vais pas vers eux, et puis quand ils me regardent, j'ai toujours l'impression qu'en fait, ils me regardent à cause de mon poids. Ça, c'est le deuxième versant, mais Karel a raison de souligner cela. C'est important que tu sois bien dans ta peau, c'est pas forcément uniquement que cela, mais c'est vrai que ça ne t'aide pas. Kevin qui veut réagir, qui est avec nous, 24 ans de Dunkerque. Salut Kevin. Salut Kevin. Allô Kevin. Oui. Oui. Salut Kevin. Kevin, bienvenue sur Fun Radio. Tu voulais réagir là? Bah oui, déjà d'une, je suis très content d'apparaître sur Fun Radio, ça me fait énormément plaisir. Et bien oui, je tiens à réagir parce que franchement, les femmes avec des rondeurs à l'heure actuelle, les jeunes, ils sont beaucoup plus attirés par ces femmes-là. Ils vont beaucoup plus vers elles, ils leur donnent beaucoup plus confiance en elles. Parce que moi, je sais que j'avais une copine. Non, mais j'ai vu une photo de Kardashian, là. Elle a un énorme boule. J'ai trouvé ça, mais hyper excitant, quoi. Ah, Kim. Ouais, voilà, ça doit être vrai si tu dis avec des formes, c'est toujours bien, mais quand on en a trop aussi et qu'on les porte, c'est pas facile. Il faut peut-être s'accepter. Tu sais, Coralie, il faut que tu t'apprennes, que t'apprennes aussi à t'accepter. Ok, tu nous l'as dit, tu estimes avoir du poids en trop, le doc t'a donné ses conseils, etc. Il faut aussi que t'apprennes à te regarder dans un miroir et apprendre à aimer aussi ce que tu vois. Si t'as envie de perdre du poids, tu vas voir un nutritionniste, comme l'a dit le doc, un diététicien, tu fais ce qu'il faut faire, mais il faut aussi que tu te regardes et que tu t'apprennes à t'aimer. Je suis sûre que tu dois avoir un regard magnifique, je suis sûre que tu dois avoir un corps que tu peux exploiter avec des vêtements. Il y a bien un petit truc, mais pour l'instant, il est encore caché. Apprends à l'aimer, apprends à l'aimer, à le mettre en avant. Moi, je te dis juste un petit truc, une petite confidence entre nous. J'étais très ronde quand j'étais petite. Elle est très mince. Ouais, oui, j'ai vu que j'ai dû apprendre. Bien, oui, mais tu sais, quand t'es au lycée et que t'es ronde, quand t'es au collège et que t'es ronde, et que tout le monde te dit, t'es ronde, et à un moment donné, t'apprends à t'accepter et à mettre en avant, ton point fort. Bien, je t'invite à trouver ton point fort, Coralie. Parce que t'es pas que ronde, hein. Tu te définis pas en étant que ronde, hein, Coralie. Voilà, exactement. Kevin, qui aime les femmes rondes, tu bouges pas, Kevin, j'ai l'impression qu'il est chaud, lui aussi. Il y a une autre réaction aussi au 0142 48 5000, c'est Enzo qui nous appelle, 17 ans de Montluçon. Salut Enzo. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Enzo. Salut à toi Enzo, qu'est-ce que tu voulais rajouter toi Enzo? Je voulais rajouter qu'il faut vraiment pas qu'elle s'inquiète. Moi je souffre à peu près du même problème qu'elle. Je fais 1m76 pour 88 kilos. Le regard des gens, t'en as rien à foutre. Tu penses à toi, tu penses à ta vie et tu vis ce que t'as à vivre. Tout à fait Enzo, sauf que toi 1m80, 88 kilos, combien, rappelle-moi tes mensurations. 1m76 pour 88. Voilà, donc ça c'est encore tout à fait acceptable, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'à partir d'un certain moment, il faut savoir perdre 10 ou 20 kilos. C'est-à-dire pour Coralie, par exemple, il ne s'agit pas de faire 50 kilos, c'est clair. Parce que peut-être que ta stature, c'est peut-être 70, et même voilà. Et là, mais je comprends très bien que tu as besoin de perdre un peu de poids. Enfin, moi je crois qu'il faut... Je suis complètement d'accord avec vous, hein, cette dictature de la minceur est absolument insupportable. Non, et puis en plus, tout est retouché, toutes les photos et tout, ces photos Je ne demande pas à être mince comme les top modèles. Tout à fait, Coralie. En fait, il n'y a pas de forme non plus. Hein, ça, c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet pour toi. Tu as un métier... Tu aimes bien ton métier? Ah oui, bah oui, j'adore mon métier. Et en plus, je bouge pas mal avec... T'es ambulancière. Voilà, c'est ça. Donc, je fais pas mal d'exercices aussi. Donc, bah oui, j'imagine. Voilà, donc c'est pour ça, je fais quand même du sport à côté. Donc j'espère qu'avec les conseils que j'ai reçus, j'arriverai à... Tu vas y arriver. Déjà, le fait d'aller voir la diététicienne, déjà, je pense que ça va me redonner une petite confiance que j'ai plus. Voilà, je vais suivre un programme et puis après, je pense que ça pourrait peut-être faire le déclic dans ma tête. Bon, c'est bien, t'as l'air motivée, Coralie, en tout cas. Il faut, parce que c'est vrai, quand on le subit, je sais pas si c'est peut-être plus facile pour un homme d'avoir du poids en trop qu'une fille, mais... C'est de la façon dont tu le vis, je pense, surtout. Hein. Après, que tu sois un mec ou une fille, c'est pareil. Hein. C'est pas évident, voilà. J'ai commencé par faire... T'es pas toute seule, hein, je peux te le dire, Coralie. Vu le nombre de réactions dans tous les sens, par SMS, 64-900, Love in Fun avant le message, sur le Twitter, hashtag Love in Fun, et au 01-42-48-5000, t'es vraiment pas toute seule. Il y a pas mal de personnes, d'ailleurs, qui voudraient te parler en antenne. Si t'es d'accord, Coralie, on va lâcher ton numéro de téléphone. Il y a pas mal de filles qui... D'accord, peut-être pas passer sur l'antenne. S'il y a des petits conseils, des filles qui ont eu la même chose comme ça, qui ont réussi à perdre du poids et qui ont réussi à assumer tout ça. Tu vas y arriver, Coralie. On te fait des gros bisous en tout cas, Coralie. Gros bisous, Coralie. Merci, gros bisous et continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup. Ça vient juste de commencer. On va continuer. On va essayer au moins de faire la semaine. Je vous aime quand même. Ce serait pas mal. Après, on se dira, on va faire le mois. Puis après, on va peut-être faire la saison. 01-42-48-5000. On sera avec c'est Manon au téléphone dans un instant. T'es là, Manon ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Manon. Bonsoir, Manon. Avec toi, on parlera de quoi ? Comme quoi que je veux faire l'amour avec une fille pour la première c'est vrai. C'est le dossier brûlant. Voilà. Dans un instant, l'amour avec une autre femme. Quand on est une fille, on en parle dans un instant au 01-42-48-5000. Et là, maintenant, on va s'écouter le tube que je kiffe le plus en ce moment. Tu connais Stromae ou pas, Doc ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, c'est qui ? Je sais pas. Ok, super. Quelle arnaque, ce doc. L'album est sorti aujourd'hui, Racine Carrée, j'adore ça. Papa Outeille sur Fun. Dis-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Tous les soirs 20h-23h, Love in Fun sur Fun Radio. Le doc qui découvre la musique de Fun Radio. Il aime j'adore bien, cette chanson. Attends, je la trouve très très belle et très émouvante. Stromae sur Fun Radio. C'était Papa Outeille sur Fun Radio. 01-42-48-5000. Love in Fun. Avec le doc, Karel et Karima. 20h-23h. Et ce soir, pour la première de Love in Fun en direct dans les studios de Fun Radio, il y aura la nouvelle bombe que j'adore, que j'ai découverte là tout à l'heure, Davichi, qui s'appelle You Make Me. Écoutez, c'est un extrait, ça. Davichi qui est juste le plus grand DJ de la planète. Hein. 01-42-48-5000, Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio avec vous toutes, hein, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus, on parle de tout et sans tabou, hein, tous les soirs sur Fun Radio. 01-42-48-5000, c'est un petit peu vous qui l'a fait, hein, cette émission. On décroche le téléphone, on est avec qui au téléphone? Allô, bonsoir. Allô. Oui. C'est qui au téléphone? C'est Manon? Oui, c'est moi. Ça va, Manon? Oui, bonsoir toute équipe. Bonsoir, Manon. Manon, tu veux faire l'amour avec une autre femme. Ah, tu l'as bien retenu, ça j'ai. Oui, ça j'ai bien retenu. Non, je trouve ça très excitant. Après, moi, je suis un mec, c'est normal d'imaginer deux nanas qui font l'amour ensemble. Oui, bien sûr, dans les fantasmes. Mais bon, après, j'imagine que si tu veux le faire avec une fille, il n'y a pas de mec à côté, quoi. Non, voilà, et je voudrais la sensation, je sais pas quelle sensation est faite pour faire avec une fille, quoi. Elle te vient d'où, cette envie, Manon ? Depuis longtemps, parce que j'avais fait déjà avec deux mecs et maintenant je vais faire avec des filles, quoi. Mmh. D'accord. Et avec des mecs, ça t'a pas plu Si, mais voilà, je voudrais changer, voir la sensation qu'on a, d'exciter et tout ça. Faut tout essayer dans la vie. Hein. T'es déjà tombée amoureuse d'une fille ? Non. Du tout, c'est juste purement physique. Voilà, physique. Et là, t'as personne, t'es seule en ce moment. Si, j'ai un copain, mais bon. Oui, d'accord. Tu lui en as parlé ou pas ? Comment ? Lui en as-tu parlé de cela ? Est-ce que tu as dit à ton copain que tu avais envie de faire l'amour avec une fille ? Non, pas encore. C'est quelque chose que tu as plus envie de faire dans son dos, de pas le prévenir ou bien ? Dans son dos. D'accord, il va être content s'il écoute. Hein. Non, je pense pas qu'il écoute. Manon, la seule chose dans ce que tu me dis et que j'entends, c'est que je ne sais pas quel est le registre du fantasme, le registre de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes qu'on peut avoir des fantasmes. Tu peux être homosexuel, tout à fait, hein, et pas vouloir le reconnaître, ce qui peut vraiment se comprendre. Parce que c'est pas facile à vivre. Il ne s'agit pas de jugement extérieur, c'est comme cela. Donc c'est ça qui est la vraie question. Est-ce que les filles t'attirent ? Est-ce que tu as envie d'aller vers les filles plus que vers les garçons? C'est ça la question que tu dois te poser. Ben, en ce moment, j'ai envie plus d'aller vers les filles. Oui. Donc, tu penses que tu peux être homosexuel et tu n'en es pas sûr? Voilà, je ne sais pas. Peut-être marre des garçons. Mais, et... Je pense que ça, là est la vraie question. Parce que c'est vrai que l'homosexualité, souvent, effectivement, on oublie que c'est dur à vivre. C'est ce que disait très bien Françoise Dolto, d'ailleurs. Elle sait que c'est absolument pas pathologique, mais c'est pas facile à vivre. Donc, ça, par rapport aux réactions des gens, c'est ça, Doc? Non, par rapport à soi-même, même. D'accord. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'il y a toujours les autres en jeu. Mmh. Il faut admettre que l'homosexualité, pour chaque individu, n'est pas facile à vivre, tout simplement, intrinsèquement. Pour soi-même. Et je crois que maintenant, c'est la vraie question que tu dois te poser. Et oui. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu es amoureuse d'une fille? Parce que peut-être que ça pourrait plus commencer comme ça. Bon, après, tu peux avoir une expérience physique, bien sûr. Mais réfléchir à cela. Est-ce que les filles t'attirent plus que les garçons? Ce qui peut tout à fait se comprendre. Tu as 20 ans, tu es une grande fille. Dans l'adolescence, un peu plus tôt, ça peut arriver, cette espèce d'ambiguïté, un peu les garçons, un peu les filles. Mais arrivé à un certain âge, ça peut commencer à germer. Voilà. C'est ça la vraie question. On a plein de réactions, justement, on va continuer d'en parler. Il y a Sam qui est avec nous, 21 ans de Paris. Salut Sam. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Et on a Laure aussi, 32 ans d'Avignon. Ok Laure. Ok. Oui. Ok, tu vas passer l'antenne. On va commencer par Sam, tu voulais réagir. Tu l'as peut-être déjà fait, toi, avec une autre femme. Oui, tout à fait. Bon, en fait, moi, ça s'est fait vraiment tout seul. C'était avec une amie. De base, j'étais vraiment pas attirée par les filles. Elle non plus, et un soir, on était chez moi, et puis en fait, on s'est embrassé, puis ça s'est fait tout seul. D'accord. Donc après, derrière, voilà, j'ai pas eu ce côté où voilà, je me dis, je suis homosexuelle. Pas du tout. C'était l'expérience pour l'expérience. Voilà, c'était vraiment pour vivre l'expérience, et c'est vrai que par la suite, j'y ai pris goût, et de temps en temps, c'est vrai que être avec une fille, ça vraiment c'est vraiment différent d'un homme, mais c'est vraiment plus doux déjà. Et donc, qu'est-ce que tu préfères? Être avec une femme, la douceur. D'accord. Non, qu'est-ce que tu préfères entre être un homme ou avec une femme? C'est ça, Doc, la question? En fait, j'ai pas de préférence parce que c'est différent, en fait. Oui. J'ai pas vraiment plus. Après, oui, il y a peut-être plus le côté homme parce que bon, être avec un homme, c'est vraiment autre chose. On n'est pas des brutes non plus, on peut être doux, tu sais. Ça. Ça dépend. Karel essaie de se vendre. Il a pris sa voix de lover. Tu es romantique. Mais non, honnêtement, si vraiment elle en a envie, il faut vraiment qu'elle se lance. C'est faut une tester, très belle histoire. Mais je suis complètement d'accord. Alors, cette ambiguïté, quelquefois, existe pas mal à l'adolescence, à la sortie de l'adolescence, où on est un peu les deux, les expériences sont vécues multiples, ce que je peux tout à fait comprendre. Cela dit, la vraie question, pour maintenant, parce que je le sens un peu en lisant entre les lignes, qu'il y a une vraie... Il y a un vrai questionnement quant à cela. Et c'est pas exactement la même problématique. Cette bisexualité, entre guillemets, si on peut employer ce mot, j'en sais rien, en tout cas existe. Et après, tu l'as dit, hein, moi je suis plus hétéro tout de même, tu l'as dit. Plutôt attiré par les garçons. Laure, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Oui. Laure, oui. Ouais, Laure. Moi, je voulais dire, oui, je suis là, hein, je voulais dire à la jeune fille qu'elle tente, qu'elle fonce, parce qu'avec les filles, c'est vraiment le temps de quoi. Mais chacun vit ça à sa manière. Tout à fait, je peux bien comprendre. Elle est sur une moto, Laure. Elle est... Non, pas du tout, non, je suis dans la voiture. Ah, d'accord. Ah, okay. D'accord. On a entendu l'espèce de bruit. C'est une voiture qui a des gaz. Ouais, c'est ça. Ok, Laure, donc il faut qu'elle essaie, hein, c'est ça, hein, pour toi. Hein. Oui. Ah oui, si elle est attirée par les filles, dis-moi, quel sens. Ah oui. Est-ce que tu es homosexuel, toi? Est-ce que tu es homosexuel? Moi? Oui. Moi, oui. Oui, voilà. Donc, je comprends très bien ta position. Je crois qu'il faut prendre garde. Tu dis, je suis homosexuel et j'assume mon sexualité. Bravo. Très bien. Je te félicite. C'est bien. C'est ouais, bien mais de le dire. Avant, quand même, mais, j'étais avec les garçons. Hein. Oui, non, mais bien attention, sûr. Mais, avant, j'ai eu des garçons. Hein. Mais bien sûr. Mais attends, je comprends très bien. Tu n'es pas la seule homosexuelle à avoir été hétérosexuelle un temps, puis finalement à finir par assumer son homosexualité. Je le comprends très bien. Mais de là à dire à quelqu'un comme ça, vas-y, fonce, je crois qu'il faut bien prendre garde que chacun a sa nature. Toi, tu vis ton homosexualité très bien. C'est parfait, bravo. Cela ne veut pas dire que c'est aussi simple pour elle. C'est tout ce que je veux te dire. N'est-ce pas? si elle veut essayer, pourquoi oui, bien sûr, mettre tout à des fait. Obstacles, qu'elle le fasse. Après, obstacle. Elle verra bien. Oui, voilà. Là, après, je suis d'accord. Elle verra bien si elle peut faire les hommes ou les femmes. Voilà, je suis d'accord avec toi. Faut qu'elle fonce. Eh bien, vas-y. Si elle a l'occasion, faut qu'elle fonce. Eh ben, c'est le conseil de tout le monde, en tout cas. Bah, ouais. N'hésitez pas à réagir. 64 900. Love in Fun avant le message et sur le Twitter aussi, hashtag Love in Fun, la page Facebook de Love in Fun, plein de photos, tout ce qui se passe là dans les studios de Fun Radio. Des gros bisous, Manon. Si jamais bonne tu. Bonne soirée à tout le monde. Oui. Et puis amuse-toi bien, Manon. Oui, bah, j'ai dû essayer, alors que je vais me lancer. Eh ben, oui, je crois, hein. Si t'en as envie, il faut le faire, hein. T'envoies des photos, hein. Non. Des souvenirs. Gros bisous, Manon. Salut, Manon. Ciao, Manon. Sam, merci beaucoup pour ta réaction. Pack Love in Fun pour tout le monde. Il y a des capotes à l'intérieur. Et des compiles, salut, Laure aussi. 01 42 48 5000. On est avec Mickaël au téléphone. 23 ans, d'Orléans. Salut, Mickaël. Salut. À toute l'équipe. Salut Mickaël. Salut Mickaël, tu passes des bonnes vacances, t'es où là? T'es en vacances ou pas? Oui, je suis en vacances, oui. D'accord, qu'est-ce que tu fais tes vacances toi Mickaël? Oh, pas grand chose, je dors, je sors, donc voilà. Et tu fumes des clopes? Oui. Beaucoup? Oui, un paquet par jour quand même. C'est déjà pas mal, Doc, un paquet. C'est trop. À partir de combien de cigarettes on va te répondre une. Ouais. Non, les docteurs. Oui. Ah, tu vas me dire un truc, parce que moi, on m'a dit que t'en fumes deux ou trois ou deux paquets, c'est pareil. Ça peut être pareil. Il y a à peu près 300 alcaloïdes, peut-être plus, dans le tabac. Il y a des tas de substances dont on ne connaît pas la nature. On ne connaît pas la toxicité. Ce que l'on sait, c'est qu'un fumeur, et à cet âge-là, ça ne veut pas dire grand-chose, je le conçois, un fumeur sur deux mourra directement des conséquences du tabac. Ça fait plaisir à entendre pour tous ceux qui nous écoutent et qui fument une clope en ce moment. C'est écrit sur les paquets. Fumer, qu'est-ce qui est écrit sur les paquets, rappelle-moi. Fumer, c'est pas moi, c'est écrit en espagnol. Oui, gravement. Et comment on fait pour arrêter? Alors, c'est quoi le meilleur conseil? On parle d'hypnose, on parle de lire le bouquin d'Alain Carr, je crois, c'est quelque chose comme ça. Il faut bien faire attention, il y a deux cas de figure. Lorsqu'on est effectivement intoxiqué et imprégné par la nicotine, il y a des fumeurs invétérés qui, quoi qu'il se passe, et j'en connais même après plusieurs infarctus, qui continuent à fumer. Ah ouais, putain, parce c'est que, voilà, c'est comme ça, parce qu'ils sont accros. Et là, il faut bien prendre ça. Alors, il y a des possibilités, évidemment, de se déconditionner. Il y a maintenant, je ne sais pas, les cigarettes électroniques qui n'ont que de la nicotine. Je suis assez pour cette alternative qui me paraît pas. Ah les petites pastilles de nicotine quand on est vraiment accro. Alors, le problème est de savoir, il faut faire un bilan. Il y a des consultations pour ça de tabacologie. Je crois que c'est très important quand on veut vraiment arrêter d'être éclairé et de savoir de quoi il retourne. Quel type de fumeur êtes-vous? C'est important de savoir. T'as commencé comment, Mickaël, la clope? Bon, en fait, je suis tombé légèrement en dépression, en fait, et puis je suis commencé comme ça. En fait, j'ai acheté un paquet de cigarettes à mon meilleur ami, et puis à ma mère, et puis j'ai fumé. D'accord, et tout le monde fume chez toi à la maison? Et à ma mère, mon père, elle a arrêté de fumer. D'accord. Oui. Toi, tu fumes depuis longtemps? Ça fait 2 ans. Oui. Bon, écoute, tu peux arrêter, ça c'est sûr qu'on peut toujours arrêter. Que ce soit une toxicomanie, tout le monde est d'accord. Bon, voilà, alors il y a différentes techniques. Il faut déjà se déterminer quel type de fumeur tu es. Ça, c'est les consultations de tabacologie qui peuvent te l'indiquer. Et à partir de là, développer une stratégie, comme le disait Carrel. Il y a différentes, l'hypnose, tout ce qu'on veut. Bon, l'hypnose, c'est marrant, effectivement, c'est les gens qui l'ont vécu, mais les fumeurs invétérés ont du mal. Et savoir une chose, savoir s'arrêter une fois, un mois, 2 mois... C'est le préambule avant un arrêt définitif. Souvent, il y a plusieurs arrêts avant l'arrêt définitif. J'ai tout essayé, j'ai essayé le pack, j'ai essayé la cigarette et tout, rien pu faire. Oui. Alors quoi, Doc, ça marche pas tes trucs, Doc. Je suis essayé, Mickaël. Il a tout fait. Oui, bon, oui. Mais... On va t'envoyer le Doc à la maison. Ma mère en plus elle gueule et tout, mes parents ils gueulent et tout, Puis ça pue. C'est vrai que c'est dégueulasse. Non mais il faut que tu prennes, faut vraiment que tu prennes le truc au sérieux. C'est toujours pareil, il faut que tu ailles voir, comme l'a dit Doc, un mec spécialisé là-dedans pour arrêter le tabac. Je veux dire, quand alors, tu commences à donner un petit peu de thunes pour arrêter, tu commences à t'y intéresser aussi. Hein. Oui, ça coûte cher en plus, ça te coûte combien? 6,30. 6,30 par jour? Bah oui, par jour, ouais. Et oui, c'est énorme, hein. Enfin voilà, il y a une évolution dans la consommation du tabac. Les filles fument plus que les garçons. Karima, elle fume. Chez les jeunes, chez les adolescents. Non, absolument pas. Tu fumes pas, Karima? Regarde-moi droit dans les yeux, s'il te plaît. Non, elle peut pas le dire à la radio, c'est la différence. Non. En fait. Mais toi, tu fumes combien de par jour? Moi, j'ai arrêté. T'as arrêté? À l'instant. Bon, de toute façon, c'est une galère. Hein, c'est une tannée. Oui, tu t'arrêtes toutes les 5 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est une Il y a des questions sur Twitter, j'aimerais bien qu'on leur réponde. On nous demande si une à deux clopes par jour, c'est rien, on est d'accord. C'est beaucoup moins, faut être honnête. C'est vrai que la quantité de tabac compte énormément. Voilà, Johan, on te rassure. Bon. Bah, bon courage à toi, en tout cas, Mickaël, et prends ça vraiment au sérieux. Ouais, ok. Bon courage. Salut à toi, Mickaël. Bon courage. Salut. Merci. Ciao Mickaël, pack Love in Fun pour toi. On file des petits cadeaux pendant l'émission dans le pack Love in Fun. Il y a des photos dédicacées qu'on n'a pas encore faites d'ailleurs. On va s'y mettre là. Ah oui. On a des stickers Love in Fun. Attention, oui. On a eu un petit mail aujourd'hui avec des stickers Love in Fun. Et puis bon, il y a plein de conneries. Forcément, il y a des capotes. Hein. Sortez couverts, ça on le répétera régulièrement pendant cette émission. Et on sera avec Stéphane tout de suite sur Fun Radio. T'es là Stéphane? Oui, salut Karel, ça va? Salut Stéphane, super bien, en pleine forme, on est content d'être là pour la première de Love in Fun. Qu'est-ce qu'on va dire avec toi Stéphane? Eh ben, je suis amoureux de mon meilleur ami. Ok, eh ben bouge pas, tu voudras qu'on l'appelle ou pas? Bah ouais, franchement, ce serait bien. Bah le mieux c'est encore de lui dire, hein. Enfin si tu le sens, hein. Moi j'adore quand on appelle. Un moment romantique dans l'émission. Bah il peut y avoir de l'amour dans cette émission. On va voir comment il va le prendre en tout cas. Oui. Oui, s'il est pas au courant, ça peut être un petit peu bizarre. Hein. Yann, t'es là? Ouais. Salut Yann, bienvenue dans le Vin Fun, bienvenue sur Fun Radio. On va parler de quoi avec toi Yann? Eh ben moi hier je suis allé en boîte et depuis j'ai l'oreille droite qui bourdonne et ça fait hyper mal. Et oui. On va en parler aussi. Nous qui travaillons à la radio, je vais te dire, ça fait longtemps que ça bourdonne plus, on n'entend plus rien. Cindy, t'es là? Oui. Salut Cindy, on va parler de quoi avec toi? Parce que j'ai envie d'un enfant avec mon mec. Tu veux un enfant avec ton ex? Avec son mec? Avec mon mec. Avec ton mec, ah d'accord. Oui, faire un enfant. Karel va t'expliquer comment on fait. Bien sûr, je sais comment on fait les bébés, mais personne sait comment on fait les papas. Restez avec nous sur Fun Radio, on vient dans un instant. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Le Facebook Love in Fun et le Twitter hashtag Love in Fun. On est en TT là ce soir, ça fait plaisir. Et le son dans un instant, Major Lazer, Watch Out Phobies sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, merci d'être avec nous et bonnes vacances, c'est Love in Fun. Tous les soirs, 20h-23h. J'espère que tout va bien et vous passez une bonne soirée. 20h-23h du lundi au jeudi. Love in Fun sur Fun Radio avec Stéphane dans un instant qui est amoureux de son meilleur ami qui veut qu'on l'appelle en direct. Il va lui annoncer. C'est juste après Major Lazer, tube de l'été. Watch out Phobie sur Fun Radio. Jusqu'à 23h. 01 42 48 5000. Posez toutes vos questions. Love in Fun. Sur Fun Radio. Toute la soirée avant Mickaël et No Limit jusqu'à 23h. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Moi, c'est Karel. Il y a le doc qui est là et oui. Karima. Kassim qui est à l'area. Et c'est Ludo et Lilou qui décrochent le téléphone toute la soirée. 01 42 48 5000. On lit des messages sur le SMS 64 900. Love in Fun avant le message. Et sur le Twitter aussi. On est sur Twitter avec le hashtag Love in Fun, Karima. Oui, et il y a Play Nation qui dit une vraie tuerie cette émission pour parler de Love in Fun. Merci beaucoup. On te demande. Karel Kézian qui veut savoir quand est-ce que tu mets le nouveau Avicii. Le nouveau Avicii dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Alors c'est You Make Me, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce sera d'ici une petite 10 petites minutes à peu près qu'on va l'écouter. Hein. Vous restez bien avec nous. Il y a d'autres messages encore? Bah oui, je suis très satisfait du Love in Fun, très bonne émission. Le Doc, j'adore ta voix. Voilà, t'as des messages d'amour aussi. Ouais. T'es célibataire Doc au fait? Je t'ai pas posé la question. Tu cherches l'amour ou pas? Je répondrai un jour. Maintenant. Tu veux pas te dévoiler, hein? Pas tout de suite, pas dès le premier soir en fait. T'es comme ça. Voilà. D'accord. Jamais le premier soir. On n'en dit pas plus. Il cache bien son jeu, le Doc, j'ai l'impression. Oui, et sinon, on commence déjà à avoir des réactions sur Stéphane, notre auditeur qu'on va recevoir dans un instant. Eh ben, on va l'accueillir là tout de suite. Stéphane, 18 ans de Nîmes avec nous là au téléphone. Il est serveur dans la région Languedoc-Roussillon. T'es là, Stéphane? Ouais, je suis là. Ça va, Karel? Ça va bien. Bonjour, Stéphane. Salut, Stéphane. Salut. T'es amoureux, Stéphane? Ouais, franchement, je kiffe trop gros, je kiffe trop mon meilleur ami. À chaque fois que je suis avec lui, je me sens, enfin voilà quoi, je vois des papillons, j'ai des étoiles plein les yeux, je le kiffe trop et franchement par contre je suis trop en galère, j'ai trop besoin de vous. Je sais pas comment m'y prendre et j'ai peur de prendre un gros râteau. Ah, première question, c'est ton meilleur ami, il est homosexuel? Ouais, il est homo lui aussi. Ah, vous êtes homo tous les deux? Ouais. C'est déjà un premier pas. Ça part bien, hein, cette histoire. Faut déjà ça au départ quand même, parce que sinon, c'est mal parti. Ouais, donc là et vous en avez jamais parlé tous les deux? Franchement, non. Et moi, il me plaît beaucoup, il m'a toujours beaucoup plu. Après, je sais pas si. Ça fait combien de temps que tu le connais? Ça fait combien de temps que tu le connais? Ça doit bien faire 4-5 ans, tu vois. Ah oui? Et lui, il a un copain? Il a un copain de temps en temps. Il me parle souvent, tu vois, de ses histoires et tout. Donc voilà, je suis un peu le confident. On partage plein de choses, tu vois. Ah oui, c'était amoureux de lui, tu veux. Mais j'ai jamais osé, dire ce que je ressentais. Donc j'ai jamais dit. Même bourré, j'aime bien. Et... T'as déjà eu des gestes, des attitudes qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille, comme on dit? Franchement, j'ai jamais osé. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Il t'impressionne? Il y a quelque chose? Je trouve super bien, et c'est mon pote, c'est mon super pote. J'ai un peu honte en fait que s'il me rebombe, T'as peur de gâcher peut-être un truc si jamais il veut pas en fait, c'est ça? Ouais, un peu ça. J'ai presque un peu honte de ce que je ressens en fait. C'est ça le truc. Non, faut pas avoir honte. Je pense qu'il y a quand même une seule difficulté. La relation amicale n'est pas la relation amoureuse. C'est pas exactement la même chose. Donc c'est vrai que peut-être que toi tu joues sur un autre registre, c'est-à-dire que tu espères un jour qu'il va te tomber dans les bras, mais voilà, il ne tombe pas dans tes bras. Et là, pour lui, tu es son ami. Donc avoir un ami, c'est très important, mais c'est pas la même chose que d'avoir un amant. Ouais, c'est différent. Ouais. Mais Stéphane, pour. Pour que ça aboutisse, il faut peut-être se lancer, Stéphane. Ouais. C'est pour ça que je te proposais tout à l'heure qu'on l'appelle. Ouais. T'as jamais réussi à lui dire, nous on est là derrière. Si t'as besoin, Karel va lui dire direct. Mais bon. Si tu veux que je pêche au ton mec, je peux aussi le faire. Hein. Je suis prêt à tout pour cette émission. Hein, mais Stéphane, si tu veux que nous on l'appelle pour lui dire, mais je pense pas que ce soit la solution. Je pense que c'est mieux que ce soit toi qui l'appelle. Et nous on est derrière en soutien. Ouais, on est là de toute façon. Bon bah ouais, de toute façon j'ai vraiment envie de vider mon sac. Alors, petite chose avant de faire de franchir cette étape, si par hasard il te dit que il est d'accord pour une relation amicale mais il n'est pas prêt à une relation d'amour, est-ce que tu vas le garder comme ami ou est-ce que tu vas le quitter? C'est vrai que c'est important, il faut pas faire attention. C'est bien de se dévoiler, mais est-ce que tu es prêt à rester son ami avec les sentiments amicaux? Bah de toute façon s'il me rebombe. De toute façon, ils m'ont rebombé, mais... Rebombé, d'accord. Façon, bien sûr, Doc. Rien, c'est ça le truc. Oui, alors tu vas tenter, vas-y. C'est comme ça qu'on parle, mais toi, oui. tu disais comment au Moyen-Âge à l'époque? Doc. Je fais remballer. Remballer. Allez, on y va, Stéphane. Comment il s'appelle? Il s'appelle Florian. Florian, on appelle Florian tout de suite. Florian qui va peut-être apprendre une bonne nouvelle. Ça se trouve, il est dans la même situation que toi, Stéphane, il n'ose pas. Ou pas, hein. On va bien voir. Allô? Allô, ouais, Flo? Ouais. C'est Steph, tu vas bien? Pourquoi tu m'appelles en masqué? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ouais, mais t'es bizarre. Tu vas bien? Ça va? Oui, toi? Ouais, tranquille. Je faisais rien et je pensais... je pensais à des trucs et j'avais quelque chose à te demander. Je sais pas trop vraiment comment te dire ça en fait. Et je suis un peu con là, mais tant pis, je me lance. Vas-y. Je vais me prendre pour un fou, c'est pas grave. Je voulais te dire que je suis vraiment trop bien avec toi. T'es un super pote et tout, et je t'apprécie énormément. J'ai flippé là. Non, je voulais te dire en fait que j'avais envie de sortir avec toi, que je t'ai trouvé super charmant et tout, je t'en avais jamais parlé et voilà, j'avais vraiment envie de franchir le pas et de te demander si tu voulais sortir avec moi, mais voilà, après... Sortir ensemble, que tu sois mon mec, qu'on couche ensemble, qu'on essaie de faire quelque chose ensemble, tous les deux. T'es sérieux là? Bien sûr, je suis sérieux. Je me suis toujours cagué à te dire, mais là, franchement... Depuis le temps qu'on se connaît et tout, mais je le fais, en plus, par téléphone, quoi. En plus, j'ai pas le temps de te dire en face. Tu veux intimider trop, c'est trop difficile. Mais j'avais envie de te le dire, j'avais envie de savoir si j'avais envie, toi aussi, et j'avais pas envie de mourir les yeux. T'es en train de faire une blague ou un truc t'es vraiment sérieux? Non, mais sérieux, je suis super sérieux, je te kiffe à chaque fois que t'es à côté de moi, mes jambes elles tremblent, je te kiffe trop, je suis amoureux de toi depuis toujours, je te l'ai jamais dit, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais vraiment, je suis amoureux de toi. Pourquoi tu m'entends ça quand on se voit? Tu m'appelles en faisant masquer. Parce que on est super potes, tu me parles de tes histoires d'amour, tu me parles de tes plans, tu me parles de tes... Et moi, je te parle aussi de mes histoires, mais voilà, je sais pas. En fait, on s'est présenté en amis et on est resté amis. Et puis voilà, quoi. Quand on s'est rencontré... Ouais, mais attends, t'avais un mec quand on s'est rencontré, après t'avais un autre mec, et puis après, voilà, t'es mon pote. Mais moi, j'ai toujours flashé sur toi, hein, la vérité. Je sais pas quoi te dire, ça, c'est... Non, c'est... Non, mais il y a rien à dire. Non, mais je te kiffe, j'aimerais trop sortir comme avec ça toi. D'un coup, là, en plus, ce soir, là, je sais pas. On se voit dans pas longtemps, et je sais pas, c'est... Ouais, je suis super. Ouais, mais si je te le dis demain, ça va faire quoi de plus? Non, c'est sûr, ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, mais au moins on serait vu, on aurait pu, ouais, ouais, je sais pas. Bon, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu veux sortir avec moi, je veux savoir, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je perds un peu mes moyens, là, écoute, on peut déjà en parler face à face, on peut déjà tenter, on peut voir, on est super bien. Mais... C'est un bon début. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Florian. Bon, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que je suis pas tout seul, voilà. C'est une déclaration d'amour en direct. On est tous les petits copains de Stéphane. Il y avait des témoins, besoin de témoins. C'est comme un mariage. Florian, on va pas te le cacher, t'es en direct sur Fun Radio là, Florian. C'est sérieux? Ouais, là... C'était une déclaration d'amour en direct. Voilà, et... Stéphane avait besoin d'un peu de soutien. Il a appelé Lovin Fun et on est là derrière. Il n'osait pas te le dire, Florian. C'est en plus d'être meilleur pote et tout. C'est pas négatif, franchement, Stéphane. En tout cas, il t'a pas rejeté. Ouais. Non, il t'a pas dit va voir ailleurs. Non. Non, ouais, je pense que sa réponse a été très sérieuse. Il a dit il faut qu'on en discute avant. Je crois que c'est très bien ça. Ah. Franchement, je suis soulagé. Merci Lovin Fun. Bon, bah, en tout cas, Stéphane, voilà, t'as craché le truc. Hein. Tu te caguais dessus, hein, tu nous as dit à l'antenne. Oui, hein. Là, le doc m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai compris. Bon, d'accord. Merci. Bon, Florian? C'était au Moyen-Âge, ça déjà. D'accord. C'est toi qui es en train. Pardon, donc, Florian, on va vous laisser tous les deux. La suite, ça vous appartient, mais surtout, tenez-nous au courant. On vous appelle dans un mois? Ouais, le temps que vous parliez. Pour savoir si vous avez fait des trucs et tout. Comme ça, Karel viendra à votre mariage, il sera un témoin. Bah, par exemple, moi, pourquoi bien. Pas Bon, ok, Florian. Bon, ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air heureux, franchement, c'est trop mignon. Il a l'air plutôt content, Florian. Voilà, l'histoire d'amour qui commence bien. Il en dit pas plus. Surpris aussi, surpris. Oui, depuis qu'il sait qu'il est à la radio, il dit plus rien, Florian. Florian, Stéphane, on se tient au courant surtout et on te rappellera, Stéphane. Karima, merci Doc. Merci. Soyez heureux, bisous Stéphane. Salut Stéphane. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun, hein, tous les soirs sur Fun Radio. Dans un instant, on aura quelqu'un là au téléphone. Allô, bonsoir, qui est là? C'est Yann, ça va? Salut Yann, bienvenue salut à toi Karima, Yann. Salut Karima, c'est le docteur. Salut Yann. Salut. Yann, c'est quoi le programme dans un instant avec toi Yann? Eh ben, hier soir j'étais en boîte et depuis j'ai l'oreille qui me fait hyper mal. Eh ben oui. On va en parler. A priori, Doc, ça lui arrive. Des fois, il entend pas grand chose. Non, pas moi. Moi, j'écoute pas la musique comme ça. On va s'écouter Calvin Harris en attendant. C'est Thinking About You sur Fun Radio Love in Fun. Calvin Harris sur Fun Radio, Thinking About You. Love in Fun. Tous les soirs, 0142 48 5000 sur Fun Radio. Prenez la parole, venez vous confier tous les soirs sur Fun Radio. Love in Fun, n'hésitez pas à nous appeler. 0142 48 5000, c'est le numéro de téléphone, les SMS 64 900, Love in Fun avant le message, le Facebook Love in Fun et puis le Twitter aussi avec le hashtag, hein, le hashtag Love in Fun. Comment ça s'écrit Love in Fun? Il y en a plein qui nous demandent, hein, parce qu'il y en a plein qui savent pas l'écrire en fait. Hein. On hashtag, pas hashtag, donc c'est le dièse L-O-V-I-N-F-U-N. N'hésitez pas surtout pas, il y a plein de messages, on en lit quelques quelques-uns, Karima. Oui. Alors, il y a on est en train de reparler en fait de Stéphane et Florian, le couple qu'on vient de mettre ensemble un petit peu là à l'antenne de Fun en c'est direct. L'amour. Et ben il y a Benji, c'est moi qui dit oh c'est trop mignon, ils repartent ensemble. Dario Try Radio qui dit ce qui vient de se passer, c'est trop beau. Voilà, c'est beau Love in Fun aussi. Et ben continuez de réagir sur le Facebook de Love in Fun aussi, hein, Love in Fun, et sur le Twitter avec le hashtag Love in Fun. On a Yann au téléphone. Yann, 18 ans de Nîmes. Bonsoir Yann. Salut, bonsoir. Bonsoir. Salut Yann. Ça va Yann? Ça va, nickel, la patate. Tu m'entends bien Yann? Oh là, j'ai peur de parler trop fort moi. Non, là je l'ai mis dans l'oreille qui me fait pas mal. Bah, tu nous disais là il y a quelques minutes, hein, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, là t'es en l'air en boîte, hein, comme beaucoup là en ce moment, hein, tous ceux qui sortent là pendant les vacances. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Eh ben en fait j'avais la table juste à côté des enceintes. Et j'ai depuis ce matin, j'ai l'oreille qui bourdonne et qui me fait hyper mal. Tout à fait. Et ça, c'est un véritable problème de santé publique, parce que l'excès de décibels, ça, et les MP3, enfin les écouteurs que l'on met dans les oreilles pour écouter la musique, c'est le premier signe de l'atteinte auditive, c'est-à-dire les acouphènes et les sifflements. Et donc, il a reçu trop de décibels. Qu'est-ce que c'est ce son, là? Non, mais c'est horrible. Il a reçu trop de décibels. Et donc, effectivement, il faut surtout pas renouveler l'expérience. Tu peux consulter un ORL qui va vérifier tout cela. Mais ça prouve que ton oreille a souffert. Fort heureusement, c'est une et pas l'autre. Mais comme tu dis toi-même, tu étais d'un côté trop près des enceintes, de l'autre côté peut-être était protégé. Mais c'est très important de le dire et de le souligner. Attention à vos oreilles. Et beaucoup d'entre vous sont soumis à ça. 87% des 15-24 utilisent un baladeur. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais plus de 5 heures, c'est beaucoup trop. Et des boîtes de nuit toutes les semaines, discothèques jusqu'à 100 à 120 décibels, ou des salles de concert à 120 décibels jusqu'à 139 décibels, et à proximité des enceintes, ça génère des troubles auditifs graves. Donc, de grâce, faites attention à cela, et ne vous mettez surtout pas près des enceintes, surtout si vous avez bu ou fumé, je ne sais quelle substance illicite, ou effectivement... Illicite. Oui, faut dire les choses en face. Moi, je suis médecin, je suis pas policier, donc c'est pas mon problème, ça. Parce non, mais c'est vrai, existe. Si on est un peu défoncé, on fait pas trop attention. On fait pas attention, on perçoit mal le son, et on peut jusqu'à même percer parfois les tympans, mais c'est surtout l'oreille interne qui va être... Et quand on a le... Parce que je pense que ça arrive à tout le monde, hein, tous ceux qui nous écoutent au moins une fois, t'as le petit bourdonnement dans l'oreille, mais tu sais, c'est juste une fois en fait, de temps en temps. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Là, il a été, c'était hier, n'est-ce pas? Hier, dans la suite immédiate, il a ce bourdonnement, sifflement, son oreille a souffert. C'est une réalité. Voilà. Il faut faire quoi alors? Là, pas grand chose à faire. Peut-être voir un ORL et lui dire, moi, je crois que je suis assez partisan d'aller consulter un médecin, lui dire, voilà ce que je ressens. Et il va faire un petit bilan et puis je ne sais ce qu'il peut prescrire, mais je suis pas à sa place, mais il est certain qu'il faut regarder ça. Il faut pas prendre ça à la légère. C'est très important. Et tu l'entends? Vas-y, Yann. C'est dangereux ou pas? Parce que je suis un peu hypochondriaque et moi j'ai peur de toutes les maladies. Alors, je t'ai dit déjà, si t'as une oreille qui... Non, pas si tu t'arrêtes là, ça devrait aller. L'ORL va contrôler ton niveau auditif dans les jours à venir et pourra probablement te rassurer. C'est pour ça que je dis d'aller consulter. Mais il faut éviter de renouveler ces expériences, c'est important. C'est surtout le fait, la répétition de ces événements, ou plus de 5 heures de baladeurs dans les oreilles qui vont générer cela. Bon, sinon le doc vient te casser la gueule chez toi, directement. Non, mais je dis ça pour tout le monde parce que c'est un vrai problème. T'as raison. Voilà. Genre, on est bien placé pour le savoir, en plus, nous, on écoute comme des porcs dans le studio. Oui, mais t'es pas à 120 décibels, coucou. Non, pas 40, pas 50, et quand 60. On met les écouteurs à fond, qu'on écoute de la musique à fond. C'est pas bon, c'est dangereux. Ah, moi, je vais vous quitter d'ici. Bon, bah, bon courage à toi, Yann, et puis, t'es bon pour aller voir un ORL. Voilà. Ok, ça marche, bien, merci. Bah, merci sans d'avoir appelé, Yann. Merci à vous. Bye. Ciao. 01-42-48-5000. 01-42-48-5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler, hein, toute la soirée. Il y a Cindy qui nous appelle au standard. Salut Cindy. Salut. Ça va Cindy? Oui, ça va, et vous? Bah écoute, pas mal. Tu fais quoi là en écoutant la radio Cindy? Bah rien, je regarde la télé. Ok, il y a quoi d'intéressant ce soir à la télé? L'amour est dans le pré. Ah, super. Bah je regarde un documentaire sur les animaux. D'accord. Aussi. L'amour est dans le pré. Chacun ses passions. C'est le doc est passionné de d'animaux aussi. Il monte ses juments tous les week-ends, le doc. Oui, hein? Sa jument. D'accord. Une à la fois, s'il te plaît. Une à la fois, pardon. Il est chaud. Cindy, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah, que je veux absolument un enfant avec mon copain. Ah oui. Mais, et t'as quel âge, Cindy? J'ai 15 ans. Ah, c'est peut-être un petit peu jeune. On va en parler, c'est important. Kevin sera avec nous aussi, tu bouges pas, hein, Cindy. Kevin, bonsoir Kevin. Bonsoir. Salut à toi, Kevin. Oh, t'es tout jeune, t'as quel âge, toi? 12. Ok. 14. 14. Oh, ouais, tu viens de gagner 2 ans, t'as mec. Gagné 2 ans. Hein, bon, allez, tu peux nous dire que t'as 12 ans. Et on va parler de quoi avec toi, Kevin? Bon, en fait, j'ai toujours pas de puberté. Eh bien, on va en parler. Mais bah, oui, bouge pas. Ça aussi, c'est un problème. Bouge pas ton corps change. Oui, Kevin. Tout à fait. Ton corps va changer. Il va changer. Il va changer, dis-lui. Bouge pas, Kevin, ça va venir. Jérémy, t'es là? Oui, ça va. Salut, ouais. Jérémy. Avec toi, on parlera de quoi, Jérémy? Ah, je me suis fait tatouer en vacances et le tatouage, j'ai complètement foiré. Ok, c'est embêtant. Ça arrive. T'es tatoué, Karima? Non, absolument pas. En couleur ou en noir? En couleur ou en noir? C'est une question que te pose le doc, Jérémy. Ouais, on va en parler. En noir. Bon, on en parle dans un instant. Si vous avez foiré votre tatouage, on vous trouve une solution dans un instant. Vous allez apprendre plein de trucs en écoutant cette émission. Le numéro de téléphone 01 42 48 5000. Le Facebook Love in Fun et sur le Twitter hashtag Love in Fun LOVINFUN. On revient dans un instant. Le son là tout de suite, c'est comme promis la nouvelle bombe d'Avicii. Vous allez pouvoir mettre à fond ça. Vous êtes en vacances. You Make Me à découvrir dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. À tout de suite. Jusqu'à 23h. Love in Fun. Prenez la parole sur Fun Radio. C'est Karel sur Fun Radio, Love in Fun avec Karima et le Doc. Vous nous appelez toute la soirée au standard 01 42 48 5000 si vous avez besoin de conseils. Tout ce que vous n'osez pas dire à vos parents, à vos potes. Venez vous confier sur Fun Radio, oui. On juge personne, hein, on vous écoute. On essaie tous ensemble de trouver des solutions avec vous toutes qui nous écoutez. Un peu de solidarité, hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. On est avec Cindy, 15 ans de Clermont-Ferrand. Salut Cindy. Salut. Salut à toi. Salut Cindy. Alors tu nous as dit t'as 15 ans. J'ai vu plein de réactions depuis que tu nous as dit que t'avais 15 ans et que tu voulais avoir un enfant à 15 ans. Mmh. Que ce soit sur le Twitter hashtag #LoveInFun ou par SMS 64 900 #LoveInFun avant le message. Et je te cache pas que c'est des réactions qui sont un peu négatives, hein, Cindy. Oui. Tout le monde te trouve très jeune, tu sais, pour avoir un enfant. Et raconte-toi un petit peu. Quel âge a ton mec? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Pourquoi est-ce que tu veux un enfant là tout de suite à 15 ans? Je sais pas, ça fait 4 mois que j'y pense et tout, mais ça, il le sait pas. Et j'ose pas y en parler tout de suite, et parce que j'ai peur qu'il me trouve trop jeune ou autre. Mmh. Oui. Et j'aimerais savoir d'où vient ce désir d'avoir un enfant avec lui. Ça fait 8 mois que je connais, je suis fiancée avec lui depuis même pas un mois. Cindy, ce que tu ressens est normal. Complètement normal, ce désir est normal. La seule chose, c'est que c'est pas possible. Pourquoi c'est possible? Parce que tu as 15 ans et que si ton corps est prêt, puisque tu as fait ta puberté, effectivement, tu peux tomber enceinte. Mais voilà, pour cela, il faut une autre maturité. Être parent, cela engage et il faut avoir un peu vécu, avoir grandi et ne serait-ce que le simple aspect matériel, évidemment, tu n'es pas prête, même si ce n'est pas le seul aspect. Être papa, être maman, ça engage énormément. Il y a une expérience qui avait été faite d'ailleurs au Canada et aux États-Unis. Les filles de ton âge ou un peu plus jeunes en général, recevaient un bébé qui était un bébé informatisé, et qui donc était confié à des jeunes filles comme toi pendant 48 heures. Et puis au bout des 48 heures, évidemment, le petit bébé qui avait à manger, c'était l'ordinateur qui déclenchait, était mouillé, faisait caca, enfin bref, tout. Ah oui. Et donc la jeune fille, voilà, on entend le bébé. Et le bébé pleure aussi. De manière très, c'est très intéressant parce qu'on est à la fin des 48 heures, on disait, tu vois, c'est bien, tu as envie d'avoir un enfant, ça c'est normal, mais tu sais, voilà, cet enfant tu l'as eu, c'était virtuel, mais il était en mirel, il a pleuré, tu vois, tu t'es pas réveillé, tu t'en es pas occupé, là il était sale, t'es pas allé le changer, et c'est vrai que ça, ça vient pas tout seul, il faut un peu de temps, donc c'est normal que tu aies envie d'avoir un enfant, sauf que maintenant ce n'est pas possible, mais rassure-toi, cela viendra un jour, mais ne pense pas que tu es normal, tu es tout à fait normal, mais c'est pas possible. D'accord. Tu comprends tout ça? Bon, c'est bien que tu le comprennes aussi rapidement. Oui, je comprends, mais je sais que je suis jeune, c'est qu'il y a des études et tout, mais bon, j'ai une question à te poser. Ce désir est normal. Ce n'est pas possible. Tu sais, il faut du temps. On peut désirer quelque chose très fort, ça ne vient pas tout de suite. C'est vrai que c'est frustrant, mais en même temps, tu verras plus tard, tu comprendras ce que je te dis et tu comprendras que j'avais raison. C'est parce que t'es hyper amoureuse, mais tu peux attendre, Cindy. Oui. C'est pour ça, hein, c'est quand t'es hyper amoureux et tout, t'as envie de tout faire tout de suite, hein, en fait. Hein. Non, mais oui, ça me paraît tout à fait. C'est un sentiment que je comprends tout à fait. Et il ne faut pas considérer que c'est anormal qu'une jeune fille ait envie d'avoir un enfant. Il ne faut surtout pas lui dire qu'elle vit quelque chose qui est complètement hors norme. Ce n'est pas du tout le cas. Tu lui en as parlé ou pas, Cindy ? Non, pas encore. Il a quel âge, ton copain ? Il a 17 ans. Oui. Et alors, tu penses que lui, par exemple, serait prêt aussi à 17 ans ? Parce qu'un garçon à 17 ans... Non. Et un enfant, tu sais que ça se fait à deux. Ah, je sais, mais je suis tata et tout, donc je sais à quoi m'attendre et tout. Donc tu as des relations sexuelles avec lui ? Oui. Oui. Alors là, on va passer à l'aspect pratique. La prévention est donc la contraception. Il y a deux sortes de prévention, tu le sais. Oui. Si vous êtes fidèles ensemble et que vous n'avez jamais eu d'IST et que ça a été prouvé, bien sûr, tu peux tout à fait prendre un contraceptif. La capote. Non, oui, mais s'ils sont ensemble depuis un certain temps et qu'ils sont fidèles, pourquoi prendre? Non, pas obligatoirement. En revanche, il faut une bonne contraception. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous utilisez des préservatifs qu'une fille ne doit pas prendre de contraception. Je crois que ça, c'est important. Alors, est-ce que tu as vu un médecin récemment ? Non, mais ça va faire bientôt un an que je prends la pilule. D'accord. Alors, tu sais qu'une fille qui prend la pilule doit consulter régulièrement le médecin pour faire le point sur tout cela. Donc, c'est très bien que tu prennes la pilule. Est-ce que tu l'oublies parfois ? Non, j'ai jamais oublié. Bravo. Donc, tu vois, il y a à la fois au fond de toi cette fille qui voudrait avoir un enfant. Et puis, il y a aussi cette fille très raisonnable que tu es, qui ne prend pas de risques inconsidérés, c'est-à-dire qui n'oublie pas la pilule, par exemple. Donc, tu es déjà très responsable et c'est déjà une très bonne chose. Il y a beaucoup de réactions. On va accueillir Sandy qui veut te parler aussi. Cindy, t'es là, Sandy ? Oui, je suis là. Salut Sandy, t'as 14 ans, toi, t'es à Nantes, en Loire-Atlantique. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Sandy ? Alors, bonjour d'abord. Bonjour Sandy. Bienvenue. Alors en fait, avoir un enfant à 14 ans, je comprends parce que moi en fait j'ai à 15 ans, je comprends parce que moi j'ai 14 ans et aussi j'ai envie d'en avoir un. Sauf que je me suis renseignée et faut avoir une situation, un appartement. Et après, si tu veux un enfant, faut pas que ça soit tes parents ou ta mère ou ton père qui s'en occupent. Ah oui. Parce que oui, d'abord. Bah oui. Et en fait, je te juge pas, hein, t'inquiète pas, mais après en fait, faut en plus, même si t'as les aides, ça suffira pas à couvrir tout. Imagine t'as des triplés, tu t'en sors avec des triplés ou des jumeaux. Ah oui. Là c'est jackpot, hein, j'ai de dire. Mais là pas tort, ça c'est, bah, c'est que quelque chose qu'on voit. J'ai une amie qui a eu ça, hein. Ah oui. Oui, et du coup, bah quand même, si moi je te dis, bah attends un peu, parce que moi aussi là j'ai envie, mais j'attends. Mais moi je te dis attends. Bah ouais, moi aussi je te comprends. Et en plus imagine les risques. Tu peux avoir une grossesse utérine, en plus à ton âge tu peux avoir des complications. Grossesse extra-utérine. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est une grossesse qui se développe non pas dans l'utérus. Vous savez que normalement, l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent dans la trompe, c'est-à-dire c'est le petit tuyau qui est entre l'ovaire et l'utérus, dans lequel progresse l'ovocyte, c'est-à-dire le petit œuf qui est pondu à chaque cycle, au milieu de cycle. J'ai l'impression d'être en science nat. Et qui donc va jusqu'à... Et donc, il y a une rencontre extraordinaire parce que les spermatozoïdes, qui ont été produits par millions et énormément... C'est beau ce donc, que tu dis. Donc, passe par le col et puis remonte grâce à la glaire cervicale. Et puis, c'est quand même incroyable ce chemin. Un seul arrivera à ses fins et va rencontrer l'ovocyte dans la trompe. Et là, il y a une fécondation. Et ensuite, une fois que l'œuf est fécondé, elle va progresser jusqu'à l'utérus. Donc, quelquefois, cet œuf fécondé se développe dans la trompe et ne retourne pas dans l'utérus. Là, il doit se développer. C'est ce qu'on appelle, ce que tu dis, une grossesse extra-utérine. Voilà. 01 42 48 5000. Thomas, tu voulais dire un truc aussi, Thomas. T'as 24 ans, t'es à Caen. Salut Thomas. Salut Thomas. Exactement, bonsoir. Salut Thomas. Salut Thomas. J'avais juste une simple petite question. Est-ce que cette envie d'avoir un enfant à cet âge-là, ça pourrait pas aussi provenir d'un dérèglement hormonal chez ces demoiselles du tout. Du tout. Mon Dieu, heureusement, elles sont pubères, elles ont fortes. Heureusement, une sécrétion hormonale. Et de grâce, heureusement. Mais tant mieux. Et tant mieux si ce désir sexuel est lié à un désir de grossesse. Encore une fois, je veux le dire, c'est normal. Simplement, il faut comprendre que ce n'est pas possible à cet âge-là. Il ne faudrait pas imaginer que ce sont des petites filles. Ce ne sont plus des petites filles. Ce sont des jeunes filles qui, dans leur corps, sont des femmes, mais qui, dans leur tête, sont encore des petites jeunes filles qui ont besoin de grandir comme chacun d'entre nous. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est vrai que... À 14, 15 ans, on a le temps aussi peut-être d'avoir d'autres mecs, même si, je sais pas. Ah, voilà, Karel, j'étais sûr. J'étais sûr, Karel. C'est vrai. Mais sur ça, je le rejoins, Karel, à pas tard. Ouais. Cindy, oui. Sandy, les filles, quand même, profitez de votre vie d'adolescente avant. Elles sont amoureuses, elles aiment. Oui, mais on peut s'aimer des années avant de faire un enfant, avant d'être sûr que ça soit le bon. Qu'elles profitent un peu de leur, je leur dis pas d'aller voir plusieurs hommes, si elles sont bien avec un seul. Mais il y a plein de choses à faire avec ton copain avant de faire un bébé. Parce que faire un bébé, ça change totalement une vie de couple. Qu'est-ce que tu veux faire, Cindy, dans la vie ? Maquilleuse professionnelle. Bravo. Tu sais combien d'années d'études il faut pour devenir maquilleuse professionnelle et le nombre d'heures que tu vas devoir passer au travail. Je connais tant bien. Tant mieux, tant mieux. Je connais bien ce métier. Je salue toutes les maquilleuses d'ailleurs au passage. Je connais très bien ce métier et c'est un métier qui prend énormément de temps, du temps que malheureusement tu pourras pas passer avec avec ton enfant. C'est ça aussi. Tu vois, il y a plein de choses sur le côté auquel tu dois réfléchir. Il faut que tu aies ce métier, oui. Il faut que tu aies ce métier. Ça s'apprend et c'est important d'avoir un désir comme ça. Après, tu peux encore réfléchir. Mais avoir envie de faire quelque chose dans la vie, c'est se construire. Et se construire, c'est se préparer. Avoir un enfant. Bon, tu attends encore un petit peu, Cindy, d'accord? Et si vous vous aimez, vous l'aurez d'ici 10 ans. Tu me rappelles Love in Fun dans 10 ans. J'ai eu mon enfant à 25. L'âge moyen des premières grossesses en France chez les femmes? C'est 20 ans. 29. 30 ans. Ouh, je suis là. Ah oui, non, mais j'ai. Oui, t'as encore du temps. Je pensais que tu parlais du premier rapport sexuel. Non, c'est 17, comme 17, toujours. D'accord. Ça n'a pas changé. On apprend plein de trucs, tous les soirs sur Fun Radio. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos réactions. Anthony, Sandy, vous n'allez pas quitter, pas que Love in Fun pour vous. Oui. Et un gros bisou à toi, gros Cindy. Gros bisous. Salut à toutes. Salut, et à tous. Je l'avais promis à tout à l'heure, on l'écoute là maintenant, le nouveau Avicii. Alors, je fais l'éducation musicale du doc, du son d'Edgeworth. Avicii, tu connais? Mais je vais connaître là. Voilà. Je me méfie là avec toi. C'est le DJ Party Fun, DJ Fun Radio. Ah oui, et c'est ça. Le nouveau que vous découvrez là maintenant qui s'appelle Remets-le au départ. On va quand même pas gâcher le début depuis le temps que j'en parle. On va s'écouter le nouveau donc qui s'appelle You Make Me maintenant à découvrir dans Love in Fun. C'est votre émission 01 42 48 5000. Découvrez avant tout le monde en exclu total sur Fun Radio. C'était la nouvelle bombe d'Avicii. You Make Me sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 23h. Sur Fun Radio. Et vous verrez bientôt tout ce qui se passe dans les studios et notamment la magnifique chorégraphie du doc. Avicii, T'as remarqué. T'as un bon déhanché, doc. Oui, absolument. Avec mes bottes et tout. Il met des Santiago, doc. Hein. Oui. C'est un motard. Il est classe. Ouais, non, mais on va vous prendre des photos, franchement, du style du doc. Ouais, absolument. C'est très sympa. Avec petite chemise, petite veste et tout. Je le mets sur l'Instagram de Love in Fun. On vous met tout ça, là. On vous prend des photos, on vous met ça sur le Facebook de Love in Fun. N'hésitez pas à tweeter aussi toute la soirée hashtag LoveInFun L-O-V-I-N F-U-N, c'est comme ça que ça s'écrit, en nous appelant tout simplement au standard au 01 42 48 5000. On va parler tatouage avec Jérémy dans un instant, un Choletais qui a complètement foiré son tatouage. Il y a des solutions pour l'enlever. Et oui. Kevin, 14 ans, un Breton qui nous appelle. Salut la Bretagne, salut Kevin. Salut. Salut Kevin. Ah Kevin, tu nous le disais là tout à l'heure, si je me souviens bien, que t'as toujours pas de puberté, c'est ça? Ouais, voilà, 14 ans, et en fait, c'est un peu chiant, tu vois. 14 ou 12? 14. Oui. Alors, première question, est-ce que tes testicules ont augmenté de volume? Est-ce que tes testicules ont un peu grossi? Attends, je vais regarder, moi. Oui, regarde. Non, mais toi, ils sont énormes, on le sait, mais... Ah, le doc me connaît bien, déjà, il sait que j'ai une énorme... Oui, tu m'en as parlé, t'arrêtes pas de m'en parler. Il m'a troublé. Alors, est-ce Kevin, que tes testicules ont augmenté de volume? Testicules. Tu sais, les... C'est les boules. Oui, voilà, on appelle ça comment autrement Les boules, les bouliches. Un peu. Alors, c'est le premier signe objectif de puberté. C'est l'augmentation de volume des testicules. C'est voilà, les deux glandes que tu as sous la verge, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il faut attendre que la puberté n'ait pas commencé complètement. Avant les signes plus objectifs, comme la taille, la verge. Est-ce que ta verge a un peu grandi, un peu? Un peu. Voilà, c'est le début. Après, t'as la pilosité qui apparaît au niveau du pubis, puis sous les bras. Tu as la taille qui va grandir. La voix également, parce que le larynx va s'orienter différemment. Mais là, ça n'a pas encore changé. Il n'a pas mué. Et puis, il y a la poussée de croissance pubertaire, où tu vas prendre 8 à 12 cm par an pendant 2 ans, puis 8 cm, et peut-être entre 25 et 30 cm, une grosse poussée de croissance qui est causée la poussée de croissance pubertaire. Et puis, autre chose, je le dis pour les garçons et pour toi, il est important que les garçons voient aussi un médecin une fois par an pour voir le poids, la taille et justement les organes génitaux pour examiner les testicules, la verge, voir si tout cela change. Attends, tu montes ta teub au médecin? Oui. Bah, il faut, nous on le montre bien. Eh ben voilà, ben merci Karima. Bon, bah, allez voir mon médecin, alors Badoc. Allez, on y va. Salut Kevin, merci Salut. D'avoir appelé, voilà. Tu connais tout là maintenant. C'est ciao mon pote. Bisous Kevin. Jérémy, à Cholet dans le Maine-et-Loire. Salut Jérémy. Salut l'équipe. Salut à toi. Bonsoir Badoc. Oui. Salut, salut. Alors Jérémy. Qu'est-ce qui t'amène ici Jérémy? C'est à propos du tatouage? Voilà, alors en fait j'étais en vacances pas très loin de chez moi. Ouais. Sur la côte. Et en fait, depuis un petit moment, je voulais un tatouage au niveau de l'omoplate. Qu'est-ce que t'as fait comme tatouage? Un petit tribal. Enfin, qui ressemble pas à un tribal, mais un petit tribal à l'origine. D'accord. C'est quoi un tribal? Oh, c'est un petit signe un peu c'est un peu un. Enfin ouais, celui c'est un peu une enchanté indien, tu vois, c'est un truc un peu indien. D'accord, très bien. Et tu n'es pas là fixé davantage. Non. Je vais lui montrer une photo. On va te montrer des photos des tatouages, ouais. Oui. Et puis au final, donc, en vacances, j'ai trouvé un petit studio qui d'aspect me paraissait pas trop mal. Et puis au niveau du prix, c'était intéressant. Bah oui. Ouais, c'est ça le problème. Si ton tatouage il coûte 10 euros, 10 balles dans la rue, t'attends pas à avoir super tatouage. C'était pas 10 euros, mais au final, Karima me montre les photos, oui. J'ai vu le tatouage, j'ai été surpris. Très surpris. Et il t'a fait quoi en fait? C'est pas du tout ce que tu voulais? Ben ça ressemble. Il y a une ressemblance, mais c'est une pas du tout ce que je voulais quoi. Non, parce que normalement, le mec il te fait, je sais pas comment, un calcomanie. Ouais, voilà, ouais. Et tu vois à peu près à quoi ça va ressembler quoi. Voilà, et là, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'à l'origine, il l'a pas forcément fait. Ah oui, déjà tu te poses des questions dans ces cas-là. C'était ton tout premier tatouage, Jérémy? C'est mon tout premier tatouage. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voudrais maintenant? Alors, s'il y a possibilité de le refaire, ou de l'améliorer, pourquoi pas? Ou autrement, après, j'ai déjà entendu. Après, il y a une solution laser qui existe, je crois. Voilà. Alors, voilà, exactement. Il est possible de le gommer. C'est la technique laser. C'est une séance. Plusieurs séances sont possibles. Alors, ça va dépendre de la profondeur, de la couleur, du colorant. Ça, c'est le dermatologue qui le définit et de l'encre qu'il utilise dans la peau. Il peut avoir besoin de 3 à 5 séances. Ça donne pas de cicatrices, ah ouais, y a pas de lésions, ça fait pas mal et ça part très bien. Mais voilà, ça doit être fait dans la gloire. T'as raté une fois le tatouage, essaye de ne pas rater le détatouage. Ça parce doit que là, ce sera... hyper cher ce tatouage. Alors ouais, c'est plus cher que le tatouage. Là, les 10 euros, c'est rien. C'est 10 euros que t'as payé? Non, je vais oublier 10 euros. C'était une vanne. Ah oui, d'accord. Parce que les 10 euros, là, c'est un tatouage, peut-être un faux tatouage. À l'eau, ça va peut-être partir. Voilà, donc c'est possible. Mais là, on rentre dans un champ de traitement différent. Il faut aller voir un dermatologue. C'est le laser qui est utilisé par des professionnels, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais admettons, là, vu que mon tatouage est récent et que si je vais envisager une opération laser, c'est trop tôt. Mon tatouage était trop récent. Non, du tout. Ah, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Non. Tu peux le faire maintenant. Il y a une autre solution aussi, hein, c'est d'aller chez un autre tatoueur, un bon, oui, là, pour le coup, et il te refait un tatouage par-dessus, hein, et ça se voit plus. Hein, on peut rattraper le coup. Ouais, moi, je suis pas tatoué, donc je sais pas. Non, mais tu peux, hein, carrément. Moi, j'avais un pote à moi qui avait un tatouage. T'en as un tatouage, toi, non? Ouais, j'en ai plein, moi. Ah oui? Je te les montrerai. Ah oui, qu'est-ce que t'as dans le dos déjà? Une raie mentale. Ah oui, c'est cela. Est-ce que t'as sur tes chaussures? Tu veux qu'on en parle? Ça, ouais. C'est vrai qu'on explique un peu. Attention, Doc. Oui. Ouais. Il a des chaussures en peau de raie. Adrien qui voulait réagir, 24 ans de Niort. C'est dans les Deux-Sèvres, hein, ça, Adrien? C'est ça. Bah, pas loin de Cholet. Hein. Oui. Pas loin de Cholet, un voisin? Ouais, voilà, un voisin. Ouais, donc moi, j'ai eu aussi un tatouage. Enfin, j'ai un gros tatouage loupé en haut du dos. Donc, pareil, moi, c'est un pote qui m'avait présenté un autre mec qui tatouait à domicile. Ouais. Et en fait, le mec, il m'avait fait un dessin, enfin, c'était vraiment ce que je voulais. Et en fin de compte, quand il m'a tatoué, au bout de 2 heures de douleur, je me suis dit, je vais quand même aller me voir dans le miroir. Quand j'étais voir dans le miroir, en fin de compte, il y avait aucun trait qui était droit, quoi. Ah, d'accord. Et alors, du coup, tu l'as récupéré, tu l'as effacé? En fait, du coup, moi, j'ai rattrapé le mec, enfin bon, donc du coup, j'ai eu une petite vengeance, je l'ai tatoué sur la tête. Ah, oui, ça c'est en fait, c'est que j'ai appris le lendemain qu'il était sous comprimé pour arrêter les drogues dures. Normal, oui. C'est important de dire. C'est important que... de bien choisir aussi. Ah le tatoueur, hein, généralement c'est un mec qui est qui a pignon sur rue, mec fait ça bien avec. Comment on peut se rendre compte en entrant chez un tatoueur que c'est quelqu'un de bien et qu'il va faire. Tu peux pas vraiment parce que déjà moi le mec il m'a montré des dessins qu'il avait fait, des tatouages qu'il avait fait. Enfin le mec il s'est avancé une vie, tu vois. Moi il m'a dit qu'il avait 21 ans de tatouage, donc tu vois qu'il a fait des bêtes de dessins, il te fait un beau dessin, il te fait des bons trucs. En fin de compte après il se chie parce que c'est pas lui. Après voilà, même si c'est un tatoueur, enfin après ceux qui ont les studios, faut voir surtout par rapport à la réputation qu'il a dans la ville et tout quoi. Mais tu l'as effacé alors du coup, Adrien? Non, pas encore. Moi, je vais le refaire faire, mais c'est pareil. Donc, vous parlez de refaire faire le tatouage. Tous les tatoueurs le font pas parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent à faire des modèles uniques. Et moi, ce que je lui conseille, c'est vraiment de bien choisir son tatoueur. Moi, j'ai fait plus d'une vingtaine de tatoueurs et j'ai pas encore choisi le bon parce que c'est quand même un travail dur à rattraper. Oui, bon, en tout cas, il y a des solutions, ça existe. Hein, le doc, il y a des centres. Des tatouages, ça faisait pas mal. Moi, j'ai un pote qui s'est fait des tatoués, il a chanté. Hein. Mais ça dépend comment. Bah, au laser. Et après, je pense que c'est chaque personne est différente, comme pour les tatouages et pour les piercings, c'est chacun mal ou pas mal, quoi. Oui, oui. Après, ça dépend de la douleur. Ouais. C'est ça, mais après, voilà, si tu voulais vraiment ton tatouage, que t'as bien réfléchi et que du coup il est loupé, bah, autant qu'à faire. Maintenant que t'en as un bout, autant le refaire faire et. Ah ouais, mais après, je vois, il y a possibilité de le récupérer, mais après, comme tu dis, ouais, c'est trouver vraiment le bon studio ou. C'est ça, bah, après, le bon studio, et après, surtout, bah, après, si après, on peut se donner des numéros, moi, je te donnerai des bons tatoueurs. Ce qu'on va faire justement, hein, j'imagine qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, qui sont du côté des Deux-Sèvres, du côté du Maine-et-Loire, Cholet, Niort, et si vous êtes un tatoueur d'ailleurs et vous êtes plutôt bon, bah, n'hésitez pas à lâcher votre numéro de téléphone, ouais. Que ce soit par SMS 64 900, Love in Fun avant le message, ou en nous appelant directement au standard 01 42 48 5000. J'en ai entendu un la dernière, ouais, c'est mon collègue parce qu'il est content, on passe sur Fun Radio. Ah d'accord, ouais. Ok. On la salue également. Et bah pas que Love in Fun pour tout le monde, là vous raccrochez pas Adrien et Jérémy, et bon courage pour enlever le tatouage, hein, Jérémy. Hein. Tu vas douiller, tu vas chanter mon pote, il paraît. Un peu, mais ça va. Vas-y, ouais, dédicace, on t'écoute. Bah, moi je voudrais faire une petite dédicace à Togepi, puis à ma petite femme j'aime et avec qui je vais avoir aussi un enfant par rapport au sujet qu'il y a eu avant. Ok, bah bonne bourre à toi Adrien, merci d'avoir. Merci. Jérémy, tu veux dire un truc aussi Jérémy? Ouais, je dis un petit bonjour à ma chérie qui m'écoute. Voilà. D'accord, eh ben, le message est passé. Salut à toi. Salut. Bisous les garçons. Ciao et bon courage. Salut. Love in Fun sur Fun Radio 01 42 48 5000. Dans un instant, c'est qui là au téléphone? Allô, bonsoir, on décroche. Allô. Allô, qui est là? Salut, comment tu t'appelles? Moi, c'est Sarah. On décroche en direct, hein, le téléphone. Hein. L'émission est en direct. 01 42 48 5000. Salut Sarah, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah, moi, j'ai peur de la foule en fait. T'as peur? Ah oui. Ouais, ça, agoraphobie. C'est un truc. C'est l'agoraphobie, c'est comme ça qu'on dit. Oui. C'est le terme technique. Bah écoute, tu es agoraphobe. Tu viens de l'apprendre, Sarah. On en parle dans un instant. Ça se soigne, Doc, rassure-nous. Bien sûr. Mais Jérôme sera aussi avec nous dans un instant sur Fun Radio. Allô, bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir, j'ai Jérôme. Une addiction aux tauropiscines. Tauropiscine. What? Voilà. What is it? Nous dit le Doc. Tiens, tu parles anglais, Doc? Un petit peu, oui. Ok, a little bit. Hein, j'aime bien ça. Hein. You. Yes, it is. Moi, je suis une merde. Hein. On fait donc un cours d'anglais? Non, il vaut mieux pas. Jérôme, les tauropiscines, si vous connaissez, appelez-nous. Je ne connais pas, tu nous diras ce que c'est. Et Julie sera avec nous aussi. Salut, Julie. Salut. Salut, Julie. Avec toi, on parlera de quoi? Je suis l'infomane. Superbe, j'adore cette émission. Restez avec nous. Le Twitter, hashtag LoveInFun pour réagir. On est en top tweet hein, ce soir, en TT, c'est comme ça qu'on dit. Et sur le Facebook aussi, LoveInFun. Le son dans un instant, c'est Muttonheads. C'est le DJ qui vient de Lyon, hein, DJ Fun Radio. J'adore ce DJ. On l'avait déjà reçu pas mal de fois dans l'émission. Il s'appelle Snow White, à découvrir sur Fun Radio. Enfin, sur Fun Radio. Allez, à tout de suite. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio 01 42 48 5000. On parlera nymphomanie. C'est une maladie ça, Doc? Oui, peut-être. C'est quand on aime faire l'amour en fait. Hein. Plus que ça même. Ah, je suis nymphomane alors. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est que pour les filles en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, bah, je découvre, hein, j'ai le droit d'apprendre des choses aussi, moi. Oui, Doc, bien sûr. Il est arrivé un instant être nymphomane. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler Love in Fun avec la nouvelle bombe de Muttonhead, Snow White. Posez toutes vos questions. Love in Fun sur Fun Radio. Profitez bien des vacances, si vous avez la chance d'en avoir. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Nouvelle émission, nouvelle aventure. Hein, ça va se passer comme ça pendant toute la saison. 20h, 23h, 3h de libre antenne. Avec le Doc qui est là, oui. Avec Karima. Oui. C'est Kassim Alarea qui réalise toute l'émission. Il y a Ludo et Lilou qui décrochent le standard. Hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Le Twitter, hashtag Love in Fun, L-O-V-I-N-F-U-N. Le Facebook de Love in Fun, bien sûr, n'hésitez pas à liker la page. Et puis par SMS, hein, Love in Fun avant le message au 64 900. Ça en fait hein, des solutions pour nous appeler. 01 42 48 5000. On décroche le téléphone de Love in Fun. C'est Sarah, 22 ans, à Angers. Salut Sarah. Salut, ça va? Salut. Salut à toi, Sarah, t'as 22 ans, c'est ça, hein? Oui. D'accord, et tu nous appelles là en direct sur Fun Radio parce que tu as peur de la foule? C'est ça, oui. Et dès que t'es dans un endroit public, c'est la panique. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je fais des malaises, en fait, je tombe par terre comme ça, et on sait pas, en fait, je sais que je suis agoraphobe, mais on sait pas ce qui. Ils savent pas, en fait, ce qu'ils me trouvent, tout ça, donc. C'est une. Oui, oui. Alors, peu importe, parce que la peur peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être peur des serpents, peur de certains animaux, peur de certains endroits ou de la foule. Peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est une peur qui est bien plus intense, qui a des conséquences néfastes. C'est ça ce qui fait la phobie, la différence entre la phobie et la peur, en quelque sorte. Une peur, il est normal. On peut avoir peur dans la foule, dans certains cas, parce que les gens sont menaçants, ou parce que voilà. Mais là, tu perds connaissance, enfin tu fais des malaises. Donc là, tu as un vrai problème. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait pour essayer de te débarrasser de ça? Bah ça vient toujours un peu encore, mais moins qu'avant. Donc c'est déjà pas mal. Et ça t'arrive. Est-ce que tu fuis la foule pour cela? Est-ce que tu t'isoles, par exemple? Non. Du tout. Donc c'est pas une grande phobie, parce que en général ceux qui vivent des phobies comme ça font tout pour éviter cette situation et ne pas se retrouver qu'effectivement alors va amputer leur capacité à exister, hein. Quand mais on a peur des endroits, peur de sortir, ça pose un problème. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ça, l'agoraphobie? Parce qu'elle le dit, elle n'était pas comme ça avant, ça arrive il y a quelques temps. C'est un phénomène totalement inconscient bien sûr et qu'elle ne connaît pas. Et ça peut être déclenché par quoi? C'est un problème psychologique réel, mais la chose certaine, c'est que ça se traite très bien, à condition de ne pas laisser les choses évoluer trop longtemps. Différentes thérapies, on porte beaucoup d'attention à ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, ou l'hypnose même, dans certains cas, qui permettent de dépasser ce stade et donc de pouvoir affronter. Et puis après, c'est un psychiatre qui peut t'examiner, et s'il considère que tu as besoin d'un soutien, par exemple d'un antidépresseur, il va te le prescrire. Je crois qu'il ne faut pas négliger ces situations, il faut savoir se prendre en charge et ne pas... Parce que c'est irrationnel et qu'on se dit après tout, il n'y a pas de raison, ça va passer. Dire comme ça, oui, ça va passer. Non, c'est pas normal. Ça peut pas passer. Ça peut s'aggraver surtout. Ça peut s'aggraver. Ça veut dire. Eh bien, on peut aller beaucoup plus loin jusqu'à la dépression. D'accord. Bien sûr, la dépression en fait. Voilà. Donc, il faut te soigner. Et la on bonne chose, c'est. On peut arriver jusqu'au stade où on sort plus du tout de chez soi. Par exemple, oui, et puis être déprimé ensuite. Et tout ça, évidemment, ampute pas mal de capacités dans la vie. Et ça se soigne, je répète, j'insiste beaucoup là-dessus. La dépression, comme tu le dis, c'est bien, toi c'est déjà, tu le sais, c'est déjà beaucoup. Parce qu'à partir du moment où on le sait, on accepte d'être soigné. Parce que c'est pas une maladie honteuse, la dépression. Dans ce pays encore, on parle de psychiatres, il y a encore des gens qui ont peur, alors que bon, on soigne la grippe, on soigne la grippe, on est dépressif, on soigne la dépression, c'est pas la même chose, mais on soigne de la même façon, et ça soigne très bien. Les médecins, les psychiatres donnent des traitements très efficaces et qui vraiment changent la vie des gens. Dans le bon sens du terme. Tu entends tout ça, Sarah, tu avais jamais pensé à aller consulter Non. Ah ben oui, mais ça, c'est classique et c'est dommage. Et là, encore une fois, bon, que ce soit les thérapies cognitives, comportementales, hypnose, ça peut être un psychologue, psychothérapeute. Pour soigner une dépression, j'insiste beaucoup, il faut un médecin psychiatre, parce que seuls les médecins psychiatres prescrivent des traitements. Il faut une ordonnance pour cela, puis il faut évaluer le traitement et surtout l'opportunité de ce traitement et quel type de traitement. Et un suivi régulier, c'est important, et ne pas s'enquister là-dedans. Et aller de mal en pis jusqu'au moment où on va vraiment très mal. Et là, la dépression est sous-estimée, c'est dommage. Okay. Dans ce pays en général. Bon, bah voilà, hein, Sarah, il faut vite que t'ailles consulter. Hein. Il y a quelques réactions à lire. Oui, à commencer par ça de Kassim à la Réal. Lui aussi, il a peur de la foule et il insulte les gens quand il stresse à cause de la foule. Ça vient d'où ça? Bah, je sais pas. Bah, Kassim, bah alors. Non, mais je faisais ça avant, j'insultais les gens quand j'avais peur. D'accord. Oui, c'est une réaction d'angoisse tout à fait classique. Et on réagit par de l'agressivité. Si vous pensez pouvoir faire peur à Kassim. Pourtant, il est doux comme un mouton, lui. T'es un petit mouton, t'entends ça, Kassim? Oui, je dis en général. Gentil, quoi, sympa. Non, mais. Je vais dans l'hôtel et mets-toi à poil. Elle est agoraphobe, elle est pas farouche, Sarah. Bah, tu raccroches pas, Sarah. On va te filer peut-être 2-3 numéros de téléphone. Tu bouges pas, d'accord? Ok. Et courage à toi. On te fait des gros bisous, Sarah. Ouais, au revoir, Sarah. Les 5 dernières minutes avant la fin de l'émission, vous pourrez passer tous vos messages en direct. Vous pouvez nous appeler au standard, hein, si vous voulez passer vos dédicaces avant Mickaël et Nos Limites dès 23h sur Fun Radio. Vous nous appelez au standard 01 42 48 5000. En attendant, c'est Jérôme au téléphone de Perpignan. Salut, Jérôme. Oui, bonsoir. Salut. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Alors, c'est toi qui es addict, c'est ça, tu nous as dit, des taureaux piscines. Ouais, on va dire que j'ai une petite addiction sur le taureau piscine. C'est alors quoi, d'abord, explique-nous ce qu'est le taureau piscine, s'il te plaît. Mais moi non plus. Je pense que tout le monde connaît Interville, dans tous les cas. Ah oui. Ça, oui, bien sûr, ça, oui. C'est une vieille émission. La vachette. Les vachettes. Qui n'a jamais envie de jouer avec une vachette en plein milieu d'une arène avec une piscine au milieu, quoi. Ah mais oui. Chacun sa passion. C'est ça, ton truc. Et vous devez courir pour éviter la vachette, tout comme dans Interville. Voilà, tout pareil. Mais c'est hyper après, dangereux, c'est grave, non? C'est le danger, c'est l'adrénaline, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est super fun. Mais c'est dangereux, en fait, tu peux te faire mal. Ouais, c'est assez dangereux, d'où pourquoi j'appelle à la base. C'est que c'est une addiction qui devient un peu un danger. Mon ami, c'est vrai que me le reproche. Je passe pas parce que, excuse-moi, Jérôme, mais la Cassim nous a mis la musique d'Interville, c'est interdit, mec. Je te le dis tout de suite, hein, tu m'enlèves ça tout de suite. Moi, je dansais. Ouais, c'est vieux, ça, comme émission. Ah oui, on a fêté les 20 ans. Le doc était jeune à cette époque. Oui, j'étais même encore enfant d'ailleurs. C'est ça, oui, bien sûr. Jérôme, est-ce que tu pratiques des sports dangereux, par exemple? Est-ce que tu aimes le danger en général? Le rugby, oui. Rugby, non, c'est pas dangereux, le rugby. Enfin, c'est pas très dangereux. C'est un sport bien, on va dire, oui, bien cadré. C'est physique. Oui, mais bien cadré. Il y a des règles. Pas c'est sûr qu'à côté du taureau piscine, ça, c'est autre chose, c'est sûr. Taureau piscine, je connais pas beaucoup de morts avec les taureaux piscine. Mais t'es addict. Tu te considères comme drogué, en fait, drogué du truc? Bah, dès que l'été arrive, moi, j'ai fait plus de 2000 km cet été, rien que pour aller dans tous les villages aux alentours. Mais c'est pas plutôt le danger qui t'excite, plus que le taureau machine en soi, l'adrénaline que ça te procure ou l'excitation? Très certainement. J'avoue, j'y ai jamais pensé. Se mettre en danger, c'est vrai qu'on en a un peu peur comme ça, mais c'est un processus naturel, notamment chez les garçons. Les garçons adorent avoir des attitudes à risque. Alors, moi, je dirais que ton attitude à risque est assez bien cadrée, parce que je ne crois pas, dans les faits divers, avoir vu beaucoup de morts avec les taureaux piscines. Je crois même n'en avoir jamais vu, sauf erreur de ma part. Donc déjà, c'est pas la même chose que de monter à 200 sur le périphérique sur une moto, ou que de je ne sais quoi faire d'autre. Mais t'as les mecs aussi qui font de la chute libre. Il y a voilà, encore eu un mort, d'ailleurs, je crois. Oui, il y a vraiment des sports vraiment très dangereux. Ce n'est pas le cas pour toi, mais que tu aimes te mettre dans des situations où tu as cette décharge d'adrénaline, je pense qu'à ton âge, ça me paraît presque logique, presque normal. Bon, alors, certains pratiquent d'autres sports de manière aussi intensive que toi, que ce soit le tennis ou je ne sais quoi d'autre, le golf ou ce que tu veux, et on va pas pour dire pour autant qu'ils sont anormaux. Voilà. Donc, pourquoi pas, moi ça me choque pas. Bah après, c'est le fait de passer vraiment beaucoup de temps là-dessus, c'est vrai que c'est ce qu'on me reproche. Bah c'est à toi de te freiner. Oui. Ouais, mais c'est une passion, c'est une envie. Moi, dès que l'été arrive, il fait chaud, j'ai envie d'aller. Mais vis ta passion, pour même savoir comment vit ton entourage avec cela. Si effectivement tu disparais tout l'été que t'as une petite copine, je pense qu'elle ne va pas faire du tour aux piscines, elle va faire autre chose. Addict aux relations sexuelles, c'est pas mal aussi. Oui, elle pourrait. Moi, je ne trompe pas avec une vachette, hein, y a pas de problème. Ah oui. Bah, les animaux, Jérôme. Est-ce que tu es heureux là où tu es, dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Entièrement. Et quand il n'y a pas l'été, les taureaux piscines, enfin les vachettes, tu cours derrière quoi? Pas grand-chose. Non, mais est-ce que tu as d'autres activités qui te plaisent? Je ne sais pas, d'autres sports, d'autres loisirs? Non, pas spécialement, hormis le rugby et puis le taureau piscine. Le rugby, mais c'est très bien, bravo, écoute, je peux que te féliciter. Et voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes la musique? Tu aimes lire? Tu aimes... Ouais, j'aime la musique. J'ai l'impression que le doc travaille pour un institut de sondage, tu sais. Hein? Non, pas du tout. Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu aimes... J'essaie simplement de savoir s'il est un peu heureux, s'il a des distractions, s'il y a des choses qui l'intéressent, qui passionnent dans la vie. Attends, donc on va accueillir Damien, justement, qui veut réagir et qui appelle d'Arles. Salut, Damien. Ah bah, Arles, oui. Oui. Allô, Damien? Oui, allô, c'est bon. Salut, bonsoir. Damien. Bonsoir, Damien. Oui. Salut, l'équipe. Salut, tout le monde. Salut, salut. Tu connais les taureaux piscines, toi? Ben en fait, moi, je connais très très bien ça, parce que bon, je suis d'Arles déjà, d'une. Je suis le président du taureau piscine. Et en fait, ouais, ensuite, moi, je suis gardien, en fait, je suis manadier. Ah oui, donc d'accord. Tu cours derrière les vaches tout le temps. Voilà, moi je suis au milieu des taureaux, des chevaux toute la journée, quoi, c'est mon métier. Et franchement, les gens que voilà, lui, il a sa passion et tout, faut pas qu'il arrête. Même s'il y a l'adrénaline, tout ça, ça fait. Voilà. Mais faut pas arrêter. Peut-être juste le faire avec modération, quoi. C'est comme pour tout. Après, il y a des blessures, hein. Moi je suis né dedans, donc perso, il n'y a pas de modération. Mais toi, t'es toujours sur le cheval, sur les cabargués. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Moi, je suis né dedans, donc franchement, ma femme, au début, elle comprenait pas trop, hein, parce qu'elle est pas de la région, mais ça lui faisait peur. Hein. Quand on amène des taureaux dans les villes, qu'on a 5 ou 6 taureaux qui nous poussent, voilà, quoi. Mais parce que c'est pas gentil, un taureau, je sais pas si vous avez déjà vu, mais... Ouais, c'est... Les bœufs, ça va, parce que ça a plus de testicules, mais un taureau... Ouais, c'est pas gentil, oui et non. Ah non, après, c'est agressif, c'est, quand même, non, parfois. Ouais, c'est agressif, parce qu'on les rend agressifs, oui, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. On les rend agressifs, hein, quand on les met au milieu d'une foule qui crie, ça leur fait pas là, c'est encore un autre délire, là. Moi, j'aime moyen, je suis pas hyper fan. Jérôme, tu es d'accord pour l'arrêt des corridas? Je suis pas forcément pour, à la vache, mais ah bon, moi, je reste avec des vachettes, hein. Il y a pas de taureau, il y a rien de... Bon, ça fait mal aussi, hein, mais moi, je suis pas non plus sur le délire des gros taureaux ni des toridas, c'est pas trop mon truc. Je les mets pas à mort, moi, je les mets juste dans l'eau. Oui, d'accord. Bon, bah, continue, en tout cas, de vivre ta passion, hein. Il y a rien de grave, en tout cas. Donc, tu fais attention. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais Damien, raccroche pas, en tout cas, merci pour ta réaction. On va t'envoyer un petit pack Love in Fun, d'accord? Ça va, merci. Salut. Salut à toi, Jérôme. Damien. Salut Jérôme. Salut les mecs. Daniel. Julie, elle est là ou pas, Julie? Oui, elle est là. Ça va, ma chérie? Ça allait, voilà. Ça va, Julie. Tu aimes faire l'amour, Julie? Oui. Tu le fais combien de fois par jour, Julie? Bah, maintenant, c'est un peu plus compliqué vu que je suis en vacances et je suis en compagnie de deux copines, donc voilà. Ah, mais et vous le faites à plusieurs en plus, les filles? Non, pas vraiment, non. Bon, on va en parler dans un instant. Julie et Nymphomane, si vous voulez réagir, vous nous appelez au 01 42 48 5000. On en parle après. Will.i.am et Fall Down sur Fun Radio. Il est énorme, ce son, extrait de son dernier album Will Power. C'était Will.i.am, Miley Cyrus avec Fall Down sur Fun Radio. Tous les soirs, 20h 23h, Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio, c'est Karel. Il y a le doc qui est là, Karima, oui. Et vous tous, oui. Hein, qui nous écoutez partout en France, où vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci en tout cas d'être avec nous. Et dans le monde entier aussi, on peut nous écouter via le site de Fun, funradio.fr. On est partout, hein, connectés sur le Twitter. Il y a Karima qui lit tous vos messages, sur le Facebook sur aussi. Facebook, ouais. Le Facebook Love in Fun. Et puis, tout simplement, par SMS, hein, 64-900, Love in Fun, avant le message, 01-42-48-5000. Ça, c'est le numéro de téléphone, hein, pour passer à l'antenne en direct. On a Julie au téléphone. Le sourire de Karel tout de suite. 18 ans. Pas que de Karel. Si tu voyais les réactions sur Twitter, tout le monde attend Julie. Bah oui, forcément. Alors Julie. Elle est de Clermont-Ferrand. Elle nous dit qu'elle est nymphomane. Ça va Julie? Oui, ça va. Donc tu aimes faire l'amour, c'est ça la nymphomanie? Non, pas du tout. Non, je me trompe. Alors, c'est quoi nympho, Doc? Ben, c'est une fille qui a besoin de faire énormément l'amour et qui peut-être justement n'a jamais de plaisir maximum. En un mot, d'orgasme. Peut-être. C'est ça, Julie? Ben moi, je sais que j'ai toujours eu des orgasmes, enfin avec mes partenaires, donc voilà. Mais en ce moment, tu n'as pas de partenaire justement. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de mec, c'est ça? Pour l'instant, non. Voilà. Donc, effectivement, ça te manque. Oui. Tu as besoin. T'as une solution, Karel, pour elle? Bien sûr. Je viens tout de suite à Clermont-Ferrand. Il y a combien d'heures de route, Paris, Clermont, hein? 4h30, sans excès de vitesse. Oui. Oui, voilà. Bon, je vais faire vite. J'arrive. tu l'as fait quand la dernière fois, Julie? La dernière fois, en fait, on est sortis en boîte et j'ai trouvé un garçon qui me plaisait. On l'a fait sous le poste 4 sur la plage. Bah oui. Ah oui. Ça, c'est cool, ça. Avec le sable, non? C'est pas super agréable, mais je pouvais me retenir, quoi. C'était une pulsion. Et t'as eu beaucoup de plaisir? Oui. Et après, tu étais apaisé, tu étais bien. Voilà, c'est comme si on m'enlevait un poids, en fait. Oui, donc tu n'es pas nymphomane, je le confirme. Parce que simplement, tu as besoin, tu as envie d'avoir des relations sexuelles, tu trouves un ami, bon, très bien, tu as beaucoup de plaisir, et après, tu es apaisé, ça va bien. C'est l'évolution normale du rapport sexuel. Il y a beaucoup de plaisir jusqu'à l'orgasme, et après, on est apaisé, tout va bien. Tu aimes le sexe, c'est tout, en fait, Julie? Oui, bon, peut-être. En fait, je suis allée sur internet parce que voilà, je vous ai pas en parlé ni à mon médecin ni à mes parents parce que voilà, j'avais peur qu'ils me regardent d'un autre œil. En fait, j'ai vu que j'étais, ça s'appelait de l'hypersexualité. Oui, alors ça, je me méfierais beaucoup ce genre de réflexion. Non, non, tu es normale et ce n'est pas sale. D'accord. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps celui-là. On a 20 ans. Non, mais attends, c'est vrai que ça lui est présenté comme quelque chose de pathologique et pas normal. Ouais. Je lui dis, tu es normal et ce n'est pas sale. Voilà. On a Vincent, 14 ans, qui veut réagir. Salut Vincent. Salut. Bah, salut l'équipe, salut Karel. Salut Vincent. Salut à toi Vincent. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Bah, en fait, c'est parce que j'ai une amie qui est nymphomane et elle le vit bien. Mais nymphomane, c'est quoi pour toi? Oui, excuse-moi. Oui. C'est quoi pour toi? Ben, une accro au sexe qui a besoin de ça, quoi. Oui, et alors? Elle voulait des conseils, que mon ami, voilà, était là. Et aussi, je suis de Rion, à côté de Clermont-Ferrand, et là, je suis à... Et je suis en train de me placer discrètement, on a compris, Vincent. Le mec, il a déjà la main dans le calbut. Fais attention, Julie, hein. Vincent, il est chaud. Mais t'aimes bien les mecs un peu jeunes, parce que t'as quand même 4 ans de moins, Vincent, hein. Juste en fait, j'ai déjà vu Julie parce que j'étais à la plage tout à l'heure en même temps qu'elle. Ah d'accord. T'es un petit malin, toi. Julie, t'étais à la plage cet après-midi ou pas? Oui. Elle est en train de stresser. À 18h. Mais en fait, Vincent, c'est un psychopathe. Exactement, il te poursuit. Le mec, il te suit tout le temps, là. Il est derrière toi, Julie, fais attention. Mais fallait pas le dire. Non, mais attends, je suis toute seule dans mon jardin, là. T'es avec des copines, là, Julie, en plus? Non, elles sont rentrées. D'accord. Tu profites des vacances à la cool, t'as été à la plage et tu l'as vu Vincent ou pas alors? Vous êtes parlé tous les deux? J'ai été garçon avec un t-shirt blanc juste derrière à gauche un peu. Enfin, tu sais combien il y a de garçons avec des t-shirts blancs? Elle t'a pas remarqué Vincent, je suis désolé. Visiblement, elle a très envie d'avoir un petit copain, mais je pense que, je ne sais pas, tu as vraiment 14 ans? Oui. C'est peut-être pas. Mais j'ai mué et tout. Ah oui, bien sûr. Tiens, on nous demande par SMS 64900 Levinfun avant le message. C'est quoi ta position préférée, Julie? La levrette. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup. C'est marrant, non mais chez beaucoup de mecs, hein, c'est la levrette. T'as une statistique pour ça aussi, toi, Doc? Non, y a pas de statistique. Je crois que chacun a sa position et peu importe. L'essentiel, c'est que ça convienne aux deux partenaires et voilà. Mais la variété. Karel, il a des étoiles dans les yeux là depuis qu'elle a répondu ça, ouais. Julie. On nous demande, Doc, quelle est ta position préférée? Non, ça, c'est un message que j'ai inventé. Pardon. Non, je n'ai pas de position préférée. Tu fais pas l'amour en fait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'en ai pas de préférée. Ah d'accord, tu les aimes toutes. On peut dire les choses comme ça. Ok. Bon, et Vincent, tu serais d'accord pour peut-être rencontrer Julie alors? Oui, mais il n'a pas 15 ans. Parce que déjà, j'habite à Rion, c'est à côté de Clermont-Ferrand, et puis là, je suis en vacances dans la même ville qu'elle. Donc, Bon, bah Julie, si jamais t'es ok, hein, je sais pas. Après, vous allez vous échanger les photos, les SMS, tout ça, quoi. 14 ans. Voilà, je suis d'accord avec toi, Julie. Il a pas 15 ans et la loi française est ainsi. Ah oui. Les relations sexuelles ne sont pas autorisées avant 15 ans, je le rappelle. Non, après, j'ai pas forcément demandé de rapport sexuel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fait tous au départ. Hein. Pas de rapport sexuel, bien sûr. Juste des bisous. Puis après, on sait bien vers quoi ça mène. Hein. En tout cas, voilà, je me permets de préciser cela, même si je suis un peu rébarbatif. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Bon, bah écoute, Vincent, il va falloir attendre encore une petite année, a priori. Donc Julie, voilà, t'as pas trouvé ce qu'il te fallait. En tout cas, ce n'est pas d'un nymphomanie que d'avoir très envie de faire l'amour. Ça me paraît une réaction tout à fait normale et surtout à votre âge. Je vais pas dire qu'il faut le faire à chaque fois. Ce qui est de la nymphomanie, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir 3, 4, 5 partenaires ou 10 rapports sexuels par jour et qui n'est toujours pas satisfaite. Mmh. Voilà. Alors là, oui, d'accord. Merci, ça me rassure quand même un peu parce que franchement, je pensais vraiment, moi je considérais ça comme une maladie. Oui, quoi. Mais on lit beaucoup de conneries aussi sur Internet. Hein. Ça, c'est sûr. Je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Alors Internet. Eh bien, vers un nouveau petit copain peut-être, il faut le trouver. T'avais présenté Karel, mais visiblement ça te branche pas, je te comprends. Mais elle a pas dit ça, elle a rien dit du tout. Si on a tous compris la même chose, arrête. Elle est timide, elle ose pas, c'est tout. Julie, tu raccroches pas sur toi, je vais te reprendre en antenne, d'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure, Julie. T'as vu, elle a dit oui, Doc. Je vais surveiller. Elle est polie. Eh, salut Vincent, bonne branlette Vincent. Ce soir. Salut, parce salut que Vincent. C'est pas ce soir que tu vas niquer, mon pote, je te le dis. Salut Vincent, bonne bourre à toi. Et je t'envoie le pack Love in Fun avec les capotes. On sera avec Fabrice tout de suite. Love in Fun, 0 à 42 48 5000. Allô? Donc voilà, j'éjacule transparent. Ah oui. Mec, il est cash. T'es entré droit de, dans le sujet, dans le but. Enfin, je sais pas. T'éjacules transparent. Oui. Voilà, j'ai 14 ans, donc je vais en seconde et puis j'éjacule, mais transparent. Tu es précoce, mais pour les études. Non, mais moi aussi, j'éjaculais transparent au début. Oui, bien sûr. Oui. Je me souviens, c'est quand c'est le début, on n'est pas tout à fait prêt en fait. Voilà. Ah, bah, on va en parler avec toi, Fabrice. Venez nous raconter votre première éjaculation. Hein, bah oui. On parle de tout dans cette émission. 01 42 48 5000. Bien sûr, le doc nous racontera sa première éjac dans un instant. Allez. C'est ça, oui. Vous restez bien avec nous, c'est Love in Fun. Nouvelle émission, 20h, 23h, tous les soirs avec dans un instant les 5 dernières minutes hein, si vous voulez nous appeler, passez tous vos messages en direct 01 42 48 5000, vous bougez pas, 3 minutes à peine, on est de retour et Mickaël nos limites à 23h, à tout de suite. 01 42 48 5000. Love in Fun, du sexe, de l'amour et du fun. 20h 23h sur Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio. Hein. C'est Love in Fun depuis 20h jusqu'à 23h avec le hashtag Love in Fun. Merci pour tous vos messages sur Twitter, sur le Facebook aussi Love in Fun et par SMS 64900 Love in Fun avant le message. Il y a plein de messages sur Twitter. On nous pose aussi des questions, Karima, sur Twitter. Attention, Doc, question. Attention, question. Il y a Alexis Guillon qui nous demande « Salut, peux-tu demander au Doc si la masturbation est dangereuse et si on en abuse, Merci. » Oui, c'est pas dangereux. C'est la première chose. Ah. Il ne faut pas, c'est pas le problème d'abuser, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un se masturbe tout le temps, il a un problème. C'est pas la masturbation qui est un problème, c'est le fait qu'il se masturbe tout le temps qui traduit soit un malaise, soit un enfermement, soit une difficulté à être. L'excès de masturbation peut être effectivement lié à un malaise, à une espèce d'auto-érotisme permanent pour se réassurer ou se réapproprier quelque chose, ou en tout cas s'enfermer. Et donc, c'est pas la masturbation qui est embêtante, c'est le fait qu'il s'enferme dans la masturbation. D'accord, donc si on le fait 3-4 fois par jour, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais voilà, à partir du moment où ça dépasse 3-4 fois, on est un peu dans l'addiction et c'est pas la masturbation qui est le problème, c'est qu'on s'enferme un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà. D'accord, ouais, on peut faire l'amour aussi. Hein. Par exemple, aller voir les autres, pour cela, il faut se masturber un peu moins. C'est clair. Aller trouver une fille, mais se masturber toute la journée... Voilà, hein, t'es vidé après. Tu nous racontes ta vie là maintenant. Je suis non. Vidé. Il y a les 5 dernières minutes. Non, pas très très longtemps sur Fun Radio. Si vous voulez passer tous vos messages en direct, n'hésitez pas. Hein, vous nous appelez là au standard de Love in Fun 01 42 48 5000 et par SMS aussi hein, 64 900. Vous tapez bien Love in Fun avant le message. On vous rappelle hein, si vous lâchez votre numéro de téléphone et les packs Love in Fun. Il y en a beaucoup qui nous demandent comment est-ce qu'on fait pour avoir un pack Love in Fun. Bah n'hésitez pas à passer sur l'antenne, simplement dès que vous êtes sur l'antenne, on vous envoie votre pack Love in Fun. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des stickers Love in Fun, les photos dédicacées qui arrivent bientôt, on va faire ça là très très vite. Et il y a des capotes aussi, ouais, les capotes à sortir couverts et puis plein de petites conneries, les petits goodies. En attendant, on va tout de suite accueillir, c'est Jérémy, 17 ans là au téléphone. Salut Jérémy. Bonsoir Karel, bonsoir Karima et bonsoir le doc. Bonsoir Jérémy. Alors on a perdu Fabrice hein, qui éjaculait transparent. On n'arrive pas le joindre. On va peut-être répondre là juste avant hein, Jérémy, deux petites secondes. Il nous écoute peut-être à la radio. Parce qu'il là. N'éjacule pas encore et qu'il est en pleine puberté, c'est tout à fait possible. Et donc il se masturbe. Ça, on a compris qu'il se masturbait. Et lorsque la maturation sexuelle est arrivée, l'éjaculat fait 3,5-4 millilitres et blanc, un peu opaque avec un peu des zones transparentes, avec des coagulum et puis après c'est un peu épais, voilà, et après ça se liquéfie parce qu'il y a quelque chose qui liquéfie tout ça à l'intérieur, une substance qui lisse tout ça et ça devient tout liquide. Et ça arrive aussi quand on se masturbe de trop que ça devienne aussi Il n'y a plus rien après. Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. Jérémy. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui. Non, c'était un copain. Hein. Ouais. Jérémy. Toujours un copain, ça. Jérémy. C'était jamais arrivé, toi, au bout de pas mal de temps À qui tu parles, à Jérémy ou à... Oui, à Jérémy. Non, bah pas toi, Karima, tu n'éjacules pas. Ah, heureusement, non. L'éjaculation féminine existe, mais c'est rare. Ah, c'est-à-dire... On en parlera une autre fois. Ah oui, d'accord, ok. Tu veux dire mais quand c'est la fontaine? Ça y est, je l'ai déstabilisé. Quand c'est la fontaine? Oui, l'éjaculation féminine au moment d'orgasme, oui. D'accord. Oui, bah, donc non. Femme fontaine, appelez-nous aussi, hein, au standard. 01 42 48 5000. Jérémy, tu voulais pas parler de quoi, toi? Eh ben, je vous appelle parce que justement, on reste un peu dans le même thème. Je complexe sur la taille de mon sexe, en fait. Oui. Donc, voilà le problème. De ta verge, donc. Voilà, tout à fait. Parce que dans les organes sexuels, il y a aussi les testicules. Combien de centimètres, Jérémy? Entre 10 et 12 centimètres, à peu près. Bon, voilà. Alors, la moyenne française, c'est quoi, Doc? Alors, c'est entre 9,5 et 20. Déjà, t'es dans la moyenne, Jérémy. Voilà. C'est pas mal. T'es dans l'acceptable. Et je veux, les Américains ont sorti un papier récemment. La taille moyenne du sexe américain est de 14,2 cm. C'est-à-dire qu'ils ont fait, voilà, ils ont pris plusieurs tailles. Alors, ça va de 20 à 9 et ils ont fait une moyenne 14,2. C'est tout à fait intéressant. D'accord. Et, si on fait 12, c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne érection. On ne peut pas avoir de rapport sexuel satisfaisant sans bonne érection. Mais la taille ne joue absolument pas de rôle particulier dans la qualité du plaisir, je crois. J'en suis même certain. Karima, t'es déjà arrivé de sortir avec un mec qui avait une toute petite... je sais pas, y a peut-être tes ex qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à eux, d'abord. Non, mais est-ce que ça dérange en fait la taille? Non, en fait c'est ça, je peux pas te dire oui ou non comme ça, parce que moi... Elle a pas mesuré. Pour beaucoup de filles, exactement. Et pour beaucoup de filles, la taille n'importe guère. Il faut savoir utiliser convenablement l'objet. C'est ça. C'est le mouvement. Il faut déjà être en bon état. Là. Qu'il fonctionne bien, qu'il y ait une bonne érection. Faut que tu travailles ton mouvement du bassin. C'est tout, en fait, Jérémy. T'as pas besoin d'avoir une grosse bite, en fait. Finalement, ouais. C'est pas si compliqué. Tu te sens gêné, en fait, Dans quelle situation tu te sens gêné si tu nous appelles, si tu nous en parles? Ben, justement, par exemple, prenons un exemple dans les vestiaires, les vestiaires de sport, par exemple, voilà, quand les autres sont là et qu'on est tous en la short, comparaison quoi. Entre hommes. Il faut faire très attention parce que il y a des garçons qui sont parfois en semi-érection, surtout entre garçons, ça peut arriver. Il y en a d'autres qui sont absolument pas en érection avec un sexe tout flasque et donc petit. Donc, faut pas oublier qu'il y a aussi l'érection qui entre en jeu là-dedans. Alors, il y a parfois des garçons qui ont l'impression qu'ils ont des grosses verges. En fait, ils sont en semi-érection. Donc, ils ont triché un peu, là. Ah ouais, il y en a qui trichent, en fait. Ils se font un peu bondés, en fait, le truc. Voilà, donc ça fait tout de suite un outil plus conséquent. Tu peux avoir une toute petite bite et dès que t'es en érection, on en a avoir une énorme. Exactement, bravo Karel. Ouais, je vois que tu connais ton sujet. Il arrête pas de me vanner, sans déconner. Ah, il y a un truc entre vous deux là. Mais un jour, je lui montrerai, je lui dirai, t'as vu ces balèzes, sans déconner. Et on filmera et on le mettra sur Facebook. Il y a un truc, c'est les filles aussi qui jouent vachement là-dessus. C'est hyper important. Hein. Si vous voulez donner confiance à votre mec, vous lui dites, il a une énorme bite et là, on est bon. Hein. Oui, voilà. La vanité passe par là. Bah, il y a même vrai. Des pays où les garçons qui ont le meilleur rapport sexuel sont ceux qui ont des petites verges et pas des grosses. Mais enfin bon, c'est encore autre chose. Quel pays? En Asie. D'accord. Ça peut donner des idées de voyage, de vacances. C'est pour toi, Karima? Non, c'est pour les jeunes hommes qui nous écoutent. D'accord. Je veux juste les aider. Bon, bah écoute, Jérémy, tout va bien. T'as un sexe normal. Hein. Voilà. Donc rassure-toi. Il est pas énorme, mais bon, il est normal, quoi. Oui. Déjà ça rassure, c'est déjà ça. Ok Jérémy, bon pack Love in Fun, on va t'envoyer le pack avec les capotes. Eh ben écoutez, ça fait plaisir, et puis ça fait plaisir de t'entendre Karel après tout. Hein. Eh ben merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir de te revenir. Mais c'est vrai, je suis pas tout seul. Il y a le Doc, il y a Karima, il y a Kassim, Milou, Ludo. Merci au Doc pour les meilleurs conseils qu'il a. Merci. C'est vraiment top. Ben merci à toi Jérémy, tu reviens quand tu veux. Eh ben y a pas de souci. Ciao ciao et bonne bourre Jérémy. C'est parti, on va se faire les 5 dernières minutes là maintenant sur Fun Radio. 5 minutes. 0 à 42 48 5000. Karel te file l'antenne. On va retrouver Mickaël, nos limites, d'ici quelques minutes pour la libre antenne. C'est Mickaël qui vous a fait passer tout l'été pendant 20h et 23h et qui attaque à 23h là ce soir jusqu'à 2h du mat. Une pure libre antenne. Ratez pas ça, Mickaël, nos limites, d'ici quelques minutes. En attendant, on va décrocher le standard 01 42 48 5000. Vous passez tous vos messages en direct, vos dédicaces, si vous avez un truc à demander, la vie de feu au Doc. Profitez, c'est libre antenne 01 42 48 5000. On décroche. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, c'est David. Salut David. Salut. David de Mont-de-Marsan. Ok, David, tu voulais dire quoi sur Fun Radio, toi? En fait, c'était comme ça fait depuis un an que je vous écoute et que franchement, c'est bien cool. Et là, en fait, j'habite Mont-de-Marsan, j'ai 37 ans et avec mon beau-frère qui est le patron de l'acrobranche, on a organisé une méga teuf dans le parcours, dans les Landes. Mais oui, l'acrobranche. En fait, l'acrobranche à Saint-Pierre-du-Mont, ouais. D'accord. C'est bien ça, oui. Et tu voulais faire un petit peu de pub pour l'acrobranche? Ouais, parce qu'en fait, pour faire venir un peu de gens un peu plus loin que sur l'Aquitaine ou tout ça, quoi. Parce qu'en fait, nous, on a le plus gros site de toute l'Aquitaine avec des hauteurs de 30 mètres et quelques tyroliennes, une de 350 mètres et deux de 200 mètres. Il est fort pour faire sa pub, hein, le mec. Hein. Bravo, David. Et où est-ce qu'on trouve l'acrobranche, alors, David? Alors, c'est à Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan, mais il y a un site à internet avec la pub et des démonstrations de comment ça se passe ici. Allez, fais péter le nom du site, David. Alors, le, c'est W, 3 fois W. Ouais. Oui. On a, news.news-aventure.com. Ok, bah le message est passé, David. Tu reviens quand tu veux, tu repars avec ton pack. Et je vous remercie et ça sera une nocturne avec après repas, apéro. Parfait, merci David. C'est bon ça, David. Après, et vous attends, vous n'en avez pas pour longtemps, mais vous pouvez arriver jusqu'ici. Ça sera mieux que de se faire bourrer par un taureau. Ok, bah le message est passé. Salut à toi, David. Ciao. Nous, on a de l'adrénaline, mais à sécurité. D'accord. Eh ben, salut à toi, David. 01-42-48-5000, on décroche le téléphone. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir. Je m'appelle Annick. J'ai 50 ans. Je suis assistante sociale de profession. Je suis sur la route des vacances. C'est la première fois que je vous écoute. J'écoute Fun, tout simplement. Et je voulais vous féliciter parce que je trouve ça extrêmement bien fait. Et voilà. Merci, Annick. Merci, Annick. Merci. Voilà. Et roulez prudemment. Hein. Très bien. Ça y est, je suis arrivée. Ah. Et... vous m'avez permis de patienter sur la route. Et je suis en train de penser au doc, Annick, 50 ans, doc. Non, non, ça va, tout va bien. Allez, sans déconner, je ne suis pas manchot, je suis capable de me débrouiller tout seul. Merci beaucoup, en tout cas, Annick. On te fait des gros bisous, Annick. Hein. Bon, je vous embrasse hein. Tous et continuez merci. Comme ça. Et raccroche pas, le doc va te prendre en antenne. C'est cela, oui. Karel, c'est Karel, en fait. C'est Karel qui est. Ciao, Annick. 01-42-48-5000, les 5 dernières minutes, on décroche en direct. Allô, bonsoir. Oui, allô, salut, ça va? Salut, salut, ouais. Comment tu t'appelles? Toi, Karel. C'est Barbara. Salut, Barbara. Salut, Barbara. Et le doc, il commence à comprendre que la radio, en fait, c'est juste un métier pour choper, quoi. Non, pas du tout. Barbara, t'as quel âge, toi? 20 ans. D'accord, et tu voulais dire quoi sur Fun Radio, Barbara? En fait, je voulais juste vous faire des gros bisous et vous souhaiter plein de bonnes choses pour la nouvelle émission. Bah, super bon, gentil, Barbara. Merci beaucoup. Karel, ouais. Tu te souviens de l'email que je t'ai envoyé? Mais tu aurais pu répondre après, quand même. Hein? Il a répondu, t'as entendu ça, Doc? T'as répondu? Bah, oui. Moi, je réponds quand on m'envoie un message, c'est pas ma secrétaire qui. C'est le message où il disait, en fait, je suis pas disponible, je peux pas. Et qu'est-ce que tu me demandais, Barbara? Tu vois qu'il se souvient pas. Ah oui, non, mais en fait, rien, juste pour vous dire que je vous souhaitais que ça marche et tout. Eh ben, c'est gentil, Barbara. Nous aussi, on espère. Et que je peux venir trinquer avec vous si vous me payez le voyage. Mais c'est Karel qui va s'en occuper. Oui, bien sûr, oui. Tu habites où, Barbara? À Toulouse. À Toulouse. Mais j'adore la ville rose. Écoute, pas de problème. L'avion, c'est pour Fun. Et à quand le Lovin Fun à Toulouse? Ah oui, ça oui, on ira. Ouais, on ira. On va faire des émissions un petit peu partout en France, ouais, carrément, pour venir vous voir. Super. Gros bisous, Barbara. Gros bisous. Salut. Ciao, Barbara. On continue de décrocher le standard 01-42-48-5000. Vous passez directement sur l'antenne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Salut, bonsoir. Comment tu t'appelles? Salut, Lovin Fun. Ilias. Salut, Ilias. Salut, Ilias. Qu'est-ce que je voulais dire, toi, Ilias? Moi, je voulais passer une dédicace à la ville d'Oyonna et surtout à l'USO qui passe en top 14 cette saison et bonne chance à eux. Eh ben merci à toi, tu reviens quand tu veux, Yes. Et puis dédicace à vous, Lovin Fun, ça fait super plaisir de vous avoir sur Fun Radio. Merci beaucoup. Ciao, ciao. 01-42-48-5000, on continue de décrocher le standard. Allô, qui est là? Bonsoir, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Ça va? Ça va bien Stéphane, t'as quel âge, t'es d'où toi? J'ai 21 ans, j'appelle de Ravigny. Ok, Ravigny c'est où? Ravigny, dans le 55. Ravigny dans le 55, qu'est-ce que tu voulais dire? Le Win Fun, c'est super pour une première émission. C'était pas mal, ouais. Merci beaucoup. mais de rien. Et puis, je voulais en profiter pour faire une dédicace à la résidence du verger de Revigny-sur-Ornain. Et ben, c'est fait, message merci passé beaucoup. Aussi. Salut, tout ça. Salut à toi, merci beaucoup. Salut. Tu repars avec ton cadeau. 01-42-48-5000. Allez, le dernier pour ce soir, là, juste avant de retrouver Mickaël et nos limites jusqu'à 2h du mat. Allô, qui est là? Oui. Bonsoir, comment tu t'appelles? Sonny. Salut Sonny. Salut Sonny. Salut. T'as quel âge, t'es d'où toi Sonny? Je suis de Rennes et j'ai 16 ans. Un breton, qu'est-ce que tu voulais dire le breton? Bah je voulais passer une spéciale dédicace à ma famille. Ok. Mon père, ma mère, mes potes, Fahim, Jean-Jean. T'as la radio derrière, donc c'est raison, c'est pas grave. Oui. Et ma belle-sœur, notre belle-sœur, Daisy. Bah voilà. Et bah toute la famille est passée, nous, et on les embrasse nous aussi très fort. C'est clair. Salut à toi. Salut. Salut. Bisous. Salut mec. Bah merci à tous hein, pour cette soirée. On était en top tweet là quasiment toute la soirée sur Twitter. Merci. Avec le hashtag Love in Fun, on peut que vous remercier. Hein. Franchement, c'est top. Merci pour vos messages vraiment. Hein. Ouais. Adorable message sur Twitter, sur Facebook, partout. Merci beaucoup. Plein de réactions dans tous les sens. Et, c'est vraiment une super bonne émission avec vous. Merci sincèrement d'avoir été avec nous là ce soir. On met ça dès demain, dès 20h. Oui. N'hésitez pas à aller liker la page sur le Facebook. Hein. Love in Fun pour réagir aussi. Il y a des photos du doc. On nous demande d'ailleurs. T'as un succès doc, c'est incroyable. Ah ouais. Ta chemise. Qu'est-ce que c'est la chemise? Bah, je sais pas. C'est rayures. Ouais, c'est. Il y a quelque chose. C'est pas ton. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose que toi. Oui, moi c'est le petit polo là. C'est oui, encore. Bah, d'accord. Il y a un conflit de génération entre les deux. Il y a un conflit fashion autour de dans ce studio. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Le Twitter hashtag Love in Fun, les SMS 64 900, Love in Fun avant le message et la page Facebook Love in Fun. N'hésitez pas à les liker tout ça. Je vous l'ai dit là tout à l'heure. Une émission qui vous a fait vibrer pendant tout l'été, c'est Mickaël et Nos Limites. T'es là, Mickaël? Oui, je suis là. Salut, Mickaël. Oui, bonsoir. Salut, Mickaël. On a l'impression d'avoir le cousin du doc. Oui, exactement. Si d'ailleurs il est un soir malade, je peux venir. Ce n'est pas sale. Je serai là sans problème. Avec plaisir. Exactement. Tant qu'on parle de verre, je vais bien comprendre. C'est Strauss-Kahn, là, non? Oui. On aurait pu y croire, c'est vrai, ouais. Bon, ben, merci à vous, en tout cas. Et puis, Love in Fun, retour demain 20h, alors. Eh ben, oui. Ça roule. Allez, bonne soirée, puis Love in Fun, jusqu'à 2h, là. Thank you.